Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 45. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez et vous devez, si vous le souhaitez, faire des dons en crypto-monnaie exclusivement par Monero à l'émission et au site, si vous voulez que nous puissions continuer d'opérer. Voilà, vous savez que nous sommes le site internet le plus réprimé d'Europe. Faut quand même le savoir, c'est une réalité. Et une émission clandestine qui a besoin de votre soutien. Et Monero est le seul moyen de paiement qui garantit l'anonymat total de ceux qui le font. Alors, je procède à la présentation de nos membres de cette semaine, une équipe bien connue, solide et dynamique, n'est-ce pas? Je vais commencer avec Titus qui est accompagné aujourd'hui. Bonjour Gandalf, salut à toute l'équipe. C'est le cas, tu vois là, c'est, voilà. Comment vas-tu, Titus? Eh ben, ça va très bien, je suis un petit peu chargé, mais ça va, et plus en forme que jamais pour l'émission. Très bien. Pierrot est avec nous aussi cette semaine, comment vas-tu Pierrot? Salut Gandalf, ben écoute, ça va très bien, je te remercie, bonjour à tout le monde. Fulbert, à Hitler! À Hitler! Bonjour Gandalf, et bonjour à tous. Comment vas-tu Fulbert? Fulbert va bien, merci. Moi aussi, j'ai la pêche, j'ai la banane. Et enfin, Derek, t'es avec nous cette semaine. Je ne présente plus, bien sûr, hein, le prophète de l'église de négrolatrie, cardinal aussi de son état, en plus de sa chaire de négrologie à Paris 8. Comment vas-tu, Derek? Écoutez, nous allons bien. Nous allons bien? Je profite, oui, tout à fait, j'en profite pour saluer notre nouveau participant, hein, le petit Adolfo Ramirez. Adolfo Ramirez. Notre ami Titus. Salut camarade, bienvenue voilà. À toi. C'est très bien, il va apprendre beaucoup de choses. Alors, je vais commencer avec les dons. Premier don. Bonjour Gandalf, un don de 4,34 Monero vient d'être lancé vu que je fais du VTC. En plus de mon travail régulier, on va dire que le don provient des boucaques que je transporte. Moi, je garde l'argent des blancs. Au passage, le VTC est une option à étudier pour les démocrates qui cherchent une activité secondaire et qui aiment distribuer des pilules rouges. Pas avec n'importe qui, bien sûr. Mais il y a des gens réceptifs. Bref, c'est un moyen de promouvoir la démocratie participative et d'arrondir ses fins de mois. Encore merci à toute l'équipe et bravo, à bientôt. C'est le chef d'orchestre d'Auschwitz qui nous fait ce don. On le remercie de sa fidélité et de ses encouragements. On a un deuxième don et c'est Arios. Et le don d'Arios est accompagné d'un courrier. Alors bonjour amis démocrates, bonjour Gandalf, bonjour à l'équipe. Nous sommes à l'origine du don de 0,19 Monero, soit l'équivalent de 12$. À l'heure où nous vous envoyons cette somme. La preuve est en pièce jointe. Voilà. Alors, il dit nous, c'est collectif. Donc, nous avons décidé de vous joindre ces quelques shekels pour vous soutenir dans votre projet de démocratie participative. Nous apprécions grandement votre travail, quelques articles forts en chocolat et surtout vos émissions hebdomadaire haute en couleur. Merci pour tout, merci pour les tranches de rire et les rires enfantins qui animent nos visages le samedi soir, particulièrement lors des introductions de Gandalf qui illuminent notre semaine. Merci. De même pour les sorties de Derek, lui qui, par son accent, fait percer le soleil dans le ciel gris de notre Mossad Nord. Mossad étant écrit en hébreu, vous l'aurez bien compris. Alors j'écris nous car ce mail concerne deux personnes en particulier, mon compagnon et moi, car nous avons fait ce don et nous avons écrit ce courrier ensemble. Associé à ce don, nous voudrions vous faire part d'une expérience d'hygiénique en France juive. Et là il nous la livre. Donc ça c'est rendez-vous amoureux en zone racialement sinistrée. Donc nous sommes deux jeunes français de souche en début de vingtaine. Mon compagnon vous suit depuis le début de la saison 3, quant à moi depuis le milieu de la saison 4. Depuis, nous ne manquons jamais un rendez-vous du mardi soir. Alors que nous n'étions pas encore en couple, nous nous étions donné un rendez-vous galant dans une petite ville du sud de la France. Il est à noter que nous sachions tous deux démocrates, participatifs, sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. De plus, nous n'avions pas connaissance de l'état de putréfaction avancée de ces lieux. Mon amoureux et moi, nous étions donné rendez-vous dans cette petite bourgade aux alentours de 12h30. Nous nous sommes alors mis en quête d'un restaurant pour un repas en tête-à-tête intime. Alors que nous déambulions à la recherche d'une table, nous constations, dans les rues, l'état avancé du remplacement de cette petite ville. En effet, sur le bord des terrasses de bars et de cafés se trouvait un nombre incroyable de bicots nous dévisageant. Il est possible que la blondeur et le bleu des yeux de mon partenaire devaient éblouir ces êtres des ténèbres. Nous fîmes néanmoins notre chemin jusqu'à trouver restauration. Une fois attablés, nous avons eu le luxe privilège d'avoir sur la table d'à côté la compagnie de plusieurs boomers retraités. Bruyants, peu discrets, ils ont quelque peu dérangé la tranquillité que nous recherchions en tête-à-tête. Ces baby-boomers parlaient si fort que nous avons pu relever deux sujets qui agitaient leur passion, ce qui augmentait encore plus le volume sonore. Le premier sujet fut en rapport avec la religion. Il est premièrement à noter que les deux boumeuses attablées étaient des anti-catholiques carabinées, des bouffeuses de curés. Les vieux boumeurs, quant à eux, étaient relativement plus mesurés sur le sujet religieux. Une des boumeuses confiait, elle, avoir vécu son éducation religieuse soigneusement transmise par sa mère comme une forme d'oppression, de laquelle elle s'est libérée dès qu'elle l'a pu, à son plus jeune âge, aux alentours de 17 ans. L'autre sujet qui agita nos aînés fut celui des retraites. Ah ! Un sujet qui me tient à cœur. Alors, sujet de prédilection des boomers, leur chère retraite amassée durement pendant quelques dizaines d'années de vie active durant leur fonctionnariat déchaînèrent les passions. En effet, ces gens-là vécurent extrêmement mal d'une, l'augmentation de la CSG sur leur retraite, une ruine de l'ingratitude de ce gouvernement pour lequel ils ont voté à 90%, dixit. Et de deux, la future réforme des retraites qui allait apparemment toucher aussi à leur train de vie. Il avait promis qu'il n'y toucherait pas, ce Macron. Il avait promis. Regrettant presque d'avoir fait barrage au fascisme jeune. Heureusement, nous n'avons pas eu à subir leur compagnie très longtemps. C'était l'heure de la sieste pour eux. Repu. Nous décidâmes de nous dégourdir. En nous promenant plus amplement dans les rues de cette commune, ce fut durant cette marche que l'expérience d'hygiénique fut la plus forte. Alors que nous passions devant la maison de justice, c'est avec stupeur et grand étonnement qu'une pute à nègre lipidique et son rejeton mulâtre apparurent à nos yeux. Le papa, il devait les attendre à l'intérieur, dans le meilleur des cas, pour signer le divorce. Dans le pire des cas, il n'a même pas pointé et est retourné à ses habitudes de nègre, fourré des blanches en manque de phallus africain, pomper l'argent de la CAF et ne rien faire d'autre de ses journées. Autre expérience d'hygiénique, pétanque islamique sous le soleil du midi. À un certain point de notre itinéraire, nous avons fini par croiser un terrain de pétanque improvisé sur des graviers, quoi de plus surprenant au sud de la France, me direz-vous. Eh bien, le profil racial des joueurs était assez particulier. D'une, nous avons pu constater que Bico et Narbonoïdes se mêlaient sur ce terrain. Sans avoir d'a priori sur les Français du Sud, ces Narbonoïdes, qui n'étaient sans doute pas des Français de souche du Sud, étaient difficilement distinguables de leurs compères bougnoules. D'où, éventuellement, leur grande entente. D'un côté, la ressemblance phénotypique, de l'autre, l'assimilation des Bico au pastis, à la cochonaille et à la pétanque. À leur manière de nous regarder, nous avions tous deux l'impression d'être les étrangers, surtout mon compagnon en raison de son phénotype. Ces bicolas étaient sans doute plus leurs compatriotes que des Normands, Alsaciens ou Bretons. Visiblement, les locaux ne sont pas seulement fiers d'assimiler culturellement du bico, mais sont aussi fiers d'assimiler racialement du cafre, à faciès simiesque. En effet, peu après notre passage sur le boulodrome, nous croisions le chemin d'une Fatoumata qui sortait de sa voiture, deux rejetons mulâtres, en vue de leur couleur de peau très café au lait. Cette négresse était particulièrement négresse. Tout d'abord, la bouche, ces babines incommensurables, pourraient étouffer le moindre être humain qui s'en approcherait de trop près. De deux, la partie basse de son visage était particulièrement projetée en avant, prognate, hein, donnant cette impression simiesque si propre à nos tirailleurs sénégalais. Le front bombé, fuyant, aussi synonyme d'un cortex frontal très réduit, en plus d'un volume crânien général faible. D'où j'imagine la connerie inhérente à cette race. Face à ce spécimen, nous nous sommes alors regardés en nous posant la même question. Quel blanc, aussi latin et méditerranéen soit-il, a bien pu passer sur une telle guenon avec une tête aussi improbable importée fraîchement des steppes du Sahel? Cette promenade, donc réussi à trouver refuge dans un salon de thé... Pardonnez-moi. Nous avons donc réussi à trouver refuge dans un salon de thé élégant et confortable, certains d'être enfin à l'abri des engeances diaboliques du tiers-monde. Nous nous retrouvions enfin dans un endroit calme, paisible, agréable, seul, en réel tête-à-tête. Le gérant s'étant absenté, nous voici alors dans un cadre de grande intimité, où nous avons enfin pu échanger de longs et doux regards pour aboutir à notre premier baiser. Tout ça est très charmant. Alors, ce fut un très agréable moment. Nous étions tous les deux sur un nuage, duquel il fallut malheureusement bientôt redescendre. En effet, au fur et à mesure que j'observais le propriétaire des lieux qui était revenu, sa démarche me paraissait de plus en plus suspecte. De même pour ses manières et ses joues creuses teintées de sida. Il m'est paru alors fort probable que nous avions affaire à un sodomite. Et quelle fut la surprise de mon désarmé compagnon quand je lui fis la remarque. Nous étions presque déçus, après avoir vu tout ce carmonde et cette dégénérescence, de ne pas avoir croisé un seul juif, un seul yid. C'est vrai, ça manque au tableau, quand même. Putain, où sont les Français, quoi. Ils sortent en amoureux. C'est... Alors, en ce qui nous concerne, malgré notre jeune âge et en raison des nécessités de l'époque, nous projetons de nous marier le plus tôt possible. Le temps d'avoir tous deux une situation financière stable. Une fois mariés, nous projetons éventuellement de passer notre lune de miel à Branau am Inn, quel excellent choix, où nous concevrons notre aîné, ça je vous le souhaite, en espérant qu'il soit pénétré par l'ordre de la conception par l'esprit de tonton. Signé deux tourtereaux, démocrate et participatif, ce courrier m'enchante totalement. Ça, moi, je trouve c'est extraordinaire. C'est très plaisant. Hein, oui, c'est frais, c'est jeune, voilà. C'est bien. C'est bien. Oui, non, mais c'est toujours bien d'avoir des retours là comme ça d'auditeurs qui donc deux démocrates, hein, sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Sûrs d'eux-mêmes et dominateurs. Qui ma foi évoluent, se sont rencontrés du coup au zoo, hein, zoo qu'on appelle la France. Hein, c'est alors la France du Sud. Oh là. France du Sud. Ouais. Oui, avec des créatures assez bizarres. Il y a des auditeurs qui sont dans la France du Sud. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Simplement, ils étaient dans une région, je ne sais pas, un village que je ne connais pas. Et visiblement, dans cette zone particulière, le remplaçant... Non, mais je sais très bien quelle ville tu veux citer. Tu veux parler d'Agen? Oui. Non, mais oui, c'est-à-dire que tu as des gens là-bas, des blancs. Oui, c'est... Ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils ont toujours des gueules de rabouin, quoi. C'est bizarre, quoi. Ouais. Alors, d'abord, il est bien écrit, ce courrier. Je remercie nos éditeurs d'avoir pris le temps d'écrire ce courrier, surtout à deux. Un courrier à deux mains. Un courrier d'amoureux, c'est encore mieux. Donc, en fait, c'est une espèce de déambulation dans une commune qui, a priori, avait été choisie par eux comme étant, en fait, pittoresque, en fait. Hein, étant un petit coin de France typique qui se prêterait, en fait, à un flirt, quoi, hein, voilà, c'est très bien, c'était très français, tout ça. Et la surprise, malheureusement, fait que la France moderne rattrape la France pittoresque, et ça a donné le courrier que vous avez entendu. Alors je vais quand même revenir plusieurs moments du courrier. Les boomers. Les boomers. Alors, retraites. Mais ça, c'est bien, parce que c'est des petits moments où c'est presque un... C'est une photographie. C'est une photographie d'un instant vécu. Et vous avez là, je suis sûr que tous nos auditeurs s'y retrouvent. Enfin, tous nos auditeurs. Il y a tout le pandémonium, quoi. Bah, il y a tout le pandémonium. Non, comme sauf, ils le disent. Sauf les juifs. Sauf les juifs. Ils sont pas là. Ouais. Les juifs étaient là derrière à ricaner. Hein, voilà. Voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, bref. Les boomers. Deux sujets qui, lancinants. La haine de l'Église catholique. Alors, à l'heure de Bergoglio, est-ce encore, bon, je m'abstiens, je ne peux pas me livrer à un certain nombre de saillies verbales ici. Mais quand même, comment on fait pour cracher sur l'Église catholique quand on est de gauche en 2019 expliquez-moi ça. Moi, je dirais autisme radical. C'est qu'en 2019, on pourrait être en 2030 ou en 2040. Le boomer reste toujours vissé sur ce qu'il a appris jeune ou sur sa petite bulle, c'est-à-dire les retraites, son vécu de boomer. Et donc, t'as la France envahie autour de lui, et tout s'effondre autour de lui. Oui, mais ma retraite, et puis quand j'étais jeune, et puis moi, quand je marchais dans la neige pendant l'hiver pour aller à l'école, hein, c'était fin années 60, il faut le savoir. Alors, les types seront comme ça éternellement. Alors, tu me fais très peur, tu sais pourquoi? Tu as dit 2040, et alors ça paraît délirant, sauf que, statistiquement... L'espérance de vie... Oui, voilà, et ça me fait très très peur, ça me fait très peur. Vous imaginez des boomers jusqu'en 2040? C'est-à-dire Cohn-Bendit... Vivement la prochaine calicule. Non, mais Cohn-Bendit 2040... Non, mais la calicule, ça ne fera rien, ils ont pris les dispositions. Hein. Mais ils sont blindés, ils sont blindés. Quand ils auront des canicules, ils seront dans des réfrigérateurs, tu vois, ils boiront des pina coladas. C'est ça. Voilà. Ah non, mais bon. Alors, vous avez vu la haine, ils vont finir par me rendre Macron vraiment sympathique. Vous avez vu la dent haineuse. Ah, il a touché à la CSG. C'est comme si tu leur avais extorqué 10 000 euros en une année, tu sais. Oui. Je sais. Avec 3400 euros de retraite, écoute, c'est vrai que ça fait quand même une somme qu'ils ne demandent pas hein, pour leur pouvoir d'achat. Il faut dire un peu qu'ils ne sont pas aidés puisqu'ils ont aussi des tarifs réduits pour tout ce qui est transport en commun, tramway, bus, métro, train. Oui. Voilà, les sorties aussi, hein, l'opéra, les musées. Donc, il n'y a pas d'âge pour se cultiver. Ouais, non, mais c'est... Enfin, le capital culturel. Là, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, je sais pas, qui sont dans des parties un petit peu du système, ou au marge, genre Front National, bon, Front National, c'est même pas la peine. Mais... Oui, il va falloir quand même arrêter Quand j'entends le nom de Marine Le Pen, je sors mon revolver, hein, tu vois. Oui, non, mais enfin bon, dans les trucs locaux, peu importe, mais il va falloir sérieusement commencer à remettre en question ces privilèges municipaux ou nationaux, par rapport seulement à l'âge. Hein, oui, générationnel. Enfin, générationnel oui. C'est d'une indécence absolument, absolument totale. Quoi, hein, c'est, bon. Et là, donc, en l'occurrence, c'est ces boomers qui chient sur l'Église catholique, même avec le Bergoglio. Pourquoi? Parce que dans leur tête, effectivement, l'Église catholique, etc., ça se réfère à ce qu'ils ont détruit, c'est-à-dire la société où tu te maries, tu as une famille, tu as des gamins. Et tu ne vas pas tremper ton zizi partout ou te faire bourriquer par tout le monde. Et eux, ça, ben non, eux c'est oui, la alors, famille recomposée. Note bien, c'est là, que comme elle le fait observer, comme le couple qui nous écrit nous fait observer, ce sont surtout les femmes qui étaient très virulentes. Oui, contre l'Église catholique. Si on peut plus avorter, bon, s'il est. Hein, si on peut plus baiser à 80 ans, écoute. Voilà, bon, merde, quand même. Hein, voilà. Alors moi j'ai envie de faire observer une chose simplement pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais moi j'aime bien les chiffres, parce que c'est indiscutable les chiffres, c'est ça l'avantage. Alors, Macron est dans une configuration très délicate, parce que c'est quelqu'un qui reçoit, c'est un centriste. Donc par définition c'est le vote du centre, du marais, de la bourgeoisie, des gens les plus privilégiés, les plus établis. Mais Macron, lui, à titre personnel, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune. C'est un quarantenaire. Donc c'est plutôt quelqu'un qui, dans sa vie quotidienne, est plutôt dans une interaction, je vais dire, avec des gens plus jeunes que lui, des trentenaires, etc. Donc. Tu te rappelles qu'il baise une vieille quand même, hein? Oui, non mais aussi. Aussi. Donc on est dans un truc un peu particulier où on sent que le type a une tendance à comprendre les jeunes, mais se fait rattraper par sa formation, par ses parrains, par le système qui est tenu par les boomers. Puis par ses électeurs aussi, hein, tout Et simplement, c'est par ses base. électeurs, justement par ses électeurs. Alors le truc qui est intéressant, parce que là il fait une demi-réformette encore une fois, mais où il veut quand même un peu rogner, parce que voilà. Alors je veux simplement dire une chose à tous ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt jeunes et en tout cas des actifs. Si on décide, si l'arbitrage politique du gouvernement français, de la présidence, consiste à dire, bon, il y a des mobilisations, parce que le 5 décembre, là, il y a tous les syndicats communistes, des boomers, justement, qui se mobilisent, sous la crasse. D'accord, très bien, on cède, on touche à rien sur les retraites. Ça voudra dire qu'on maintiendra le niveau de revenu par tête des boomers, pour les années à venir, en tout cas, hein. Sauf qu'aujourd'hui, au moment où je parle, on a environ 15 à 17% de retraités. Donc plus de 65 ans, en gros. Sur les 10 à 15 ans qui viennent, on va atteindre 27, 28 et on va approcher des 30%. Le niveau comment dirais-je, l'équivalent des dépenses sociales pour les retraités, des pensions de retraite, etc. pour les retraités, c'est 15% du PIB. Aujourd'hui. Donc 15-17% de retraités, 15% du PIB consacré pour ces gens. Si on reste sur le même niveau de retraite, on va grosso modo pratiquement doubler la part du PIB consacrée à ces gens-là. Donc on va atteindre pratiquement, je dis bien pratiquement, entre le quart et le tiers de la richesse nationale consacrée pour des vieux boomers de gauche pour qu'ils puissent s'éclater en retraite. C'est ça le programme, hein. Le 5 décembre, c'est ça le programme. Si vous vous posez, c'est quoi la question, qu'est-ce qui va se passer le 5? Le 5 décembre, les syndicats marxistes vont voter pour le maintien du truc. Et avec eux, tous les vieux. Alors moi, je dis à un moment donné, excusez-moi, là, on arrive dans l'économie dure, si vous voulez. Là, on ne peut pas faire semblant de ne pas comprendre. Pour moi, il n'est pas possible, sauf à se suicider, hein. Et je ne rentre même pas la question de l'immigration, et je devrais, mais je la rentre pas dans l'équation. Mais pour moi, il n'est pas possible, au XXIe siècle, dans cette première moitié du XXIe siècle, qu'on consacre un tiers de la richesse française au confort des vieux boomers antifascistes. Ce n'est pas possible. Je vois le Front National qui réclame le retour à la retraite à 60 ans. Oui. J'ai des envies, j'ai des pulsions léninistes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir la totalité de la classe politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, qui chie ostensiblement à la gueule des nouvelles générations. Ce n'est pas possible. Donc moi, c'est ce que je veux C'est-à-dire dire qu'en fait, maintenant. J'interpelle un peu là. Le Front National, enfin le Rassemblement National est sur une logique du on touche à rien, c'est formidable, vive la CGT, très clairement. Je les ai entendus encore récemment, ils étaient en train de se plaindre parce que la CGT ne rendait pas à César ce qui était à César parce qu'ils appelaient à manifester le 5 décembre. Donc c'est fascinant, quoi. Donc, maintenant, on a carrément l'extrême droite qui se plaint parce que quand même, ils appellent à participer aux manifestations des boomers communistes et on leur dit pas merci, donc quand même, c'est scandaleux, voilà. Bon. Je vous laisse la parole. En plus, si on veut voir absolument le chemin à long terme, à tous ces chiffres, on peut rajouter la dette qui maintenant atteint 100% du PIB et qui fait que augmenter. Donc en plus, c'est un problème qui va s'accentuer au fur et à mesure. C'est exponentiel comme problème. Mais pourquoi est-ce que finalement, bah, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il y a ce genre de réaction politique pour les partis officiels? C'est parce que les boomers, c'est les gens qui se déplacent le dimanche pour voter, tu vois. Donc en fait, la démocratie, pourquoi c'est de la merde aussi? C'est parce qu'en fait, on va chercher bah, le vivier parmi les gens qui sont actifs et qui sont aussi fidèles. Généralement, le boomer, en fait, là, le boomer, il a quelque part, il est resté sur la gauche. Il a tout le temps fait ça. Sauf que là, maintenant, la gauche, c'est plus le PS, la gauche, c'est devenu Macron. Mais finalement, lui, dans sa tête, ça n'a pas bougé. Voilà. Et les jeunes, ce n'est pas les gens qui vont voter, et puis les jeunes, généralement, ils changent d'avis plus souvent, quoi. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas démocrate, donc quelque part, je me sens un peu en dehors du problème, mais vraiment, la source du problème, c'est aussi la démocratie. Ouais. Bah là oui, non, mais il y a une telle, il y a une telle, il y a un tel déséquilibre démographique en raison des boomers et en raison des migrants, enfin des immigrés, mais de troisième génération, deuxième génération, voilà, que là il y a un piège quoi, qui est terrible. Et Oui, les pouvoirs publics sont piégés parce que eux-mêmes ils ont, ils ont une dette qui est l'équivalent d'une bombe à retardement et ils peuvent pas payer les retraites qui sont prévues quoi. Donc là, si vous voulez, c'est le système est coincé quoi, comme le dit très bien Pierrot. Bah, oui, et puis il y en a qui vont commencer à. Enfin, les minorités annexes là qui se greffaient sur la bête pour sucer du sang, ils vont commencer à avoir moins à manger. Hein. Ça va être un petit peu plus difficile. Que ce soit les nanas qui divorcent, par exemple. Oui, tout à Hein, fait, tout à fait. Oui, tout à fait. il va avoir moins de sous pour tout ça parce que la priorité, c'est les gens qui votent. Qui sont les gens qui votent? Les boomers, parce qu'ils sont déjà ils sont en nombre, ils sont plus importants. Déjà quand ils sont plus importants au niveau numéraire, ils votent plus que les autres. Et tu as de l'autre côté les immigrés, alors qui votent moins, mais qui votent tous pareil, quoi, donc ça, et Oui, qui c'est votent aussi comme les boomers. une colonne C'est de vraiment fourmis, une colonne de fourmis rouges. une colonne de fourmis. Donc la population blanche active, son vote sera plutôt à l'opposé de ce que de ces deux populations-là, mais peu importe, ça n'aura aucune incidence. Il n'aura pas le choix, hein. C'est le blanc actif, de la population active, n'aura pas le choix de la destinée de son pays. Il sera guidé par les boomers jusqu'à ce qu'ils crèvent, et ensuite par la colonne de fourmis négro-islamique, qui, elle, votera toujours dans le même sens, hein, comme ils font dans leur pays, avec des scores à 99% et demi. Donc Oui. c'est ce qu'on aura chez nous. Voilà. Donc, en attendant, continuons de payer, chers amis. Voilà, c'est démocratie. Marine Le Pen, la retraite à 55 ans. Hein. Allons-y, pourquoi pas? Parce que nos retraités, ils ont mérité. Et la semaine de 30 heures. Semaine de 30 heures, tout à fait. Semaine de 30 heures. Oh, 29, non? Moi, je trouve quand même, c'est quand même étrange qu'il n'y ait pas de 13e mois pour les retraites. Hein, parce que ces gens-là ont été habitués au 13e Effectivement. mois. Voire au 14e ou au 15e mois dans la sécurité sociale, quand même. Hein. Voilà, ça existe, hein, ce genre de truc. Bon, il y a quand même là quelque chose qui. Une certaine inégalité qu'il faudrait rétablir par rapport à ces retraités qui n'ont plus leur 17 mois de salaire. Hein. Oui, c'est assez frappant tout ça, c'est assez frappant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un état d'apathie générale qui permet à ce, enfin moi de voir des retraités manifester, bon, Bah, il faudrait. ça Oui. alimente en moi des aspirations très sombres, hein, je vous l'avoue. Hein. Oui, moi ça me. Oui. Oui, Je oui, pense oui. à des choses qui ont pu avoir lieu dans des Oui, pays d'Afrique. oui. Il me vient des gens là, qui très Alors, énervés, je voulais qui simplement. causaient des trous. Ils mettaient des trucs dedans après. Hein. Je voulais évoquer aussi avec vous, puisque, bon, vite fait en passant, mais on parle de boomer. Il y a une boomeuse qui m'intéresse particulièrement, c'est Valérie Pécresse. Parce que boomer, c'est jusqu'en 65, pour ceux qui se posent la question, c'est quoi le gap générationnel? C'est 45-65, voilà, c'est quand même assez large. Donc Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui explique benoîtement que 50% des naissances en Île-de-France ont un parent au moins issu de l'immigration, donc immigré. Alors en fait, ça m'a paru tout à fait édifiant, parce que c'est la première fois, je pense, qu'on a une responsable politique de premier plan, ancienne ministre, etc., qui avoue la réalité du grand remplacement, et qui le quantifie, qui dit vraiment, voilà. voilà, tel territoire, tel volume de naissance, telle origine. Ouais, c'est la première fois que ça arrive. Alors, je précise aussi que ayant un parent d'origine immigrée, ça veut dire qu'il est né à l'étranger. Ça ne veut pas dire que toutes les naissances sur l'île de France sont à 50% immigrées. C'est plus. C'est plus. En raison du phénomène de la première et de la deuxième génération d'immigrés qui sont nés en France. Enfin, sous la deuxième génération. Vous avez des gens, et vous avez des immigrés, des Algériens, ils sont nés en France, ils ont des enfants, et ils ne sont pas comptabilisés officiellement comme des immigrés. Ils sont considérés comme des Français. Enfin, leurs enfants sont considérés comme des Français. Parce que leurs parents sont nés en France. Donc, en fait, c'est beaucoup plus. Et pourquoi je dis ça, c'est par rapport au courrier de nos auditeurs, c'est parce que, comme vous le savez très bien, pour deux choses, parce que vous avez les boomers et les immigrés. Donc, dans leur courrier, qu'est-ce que nous disent ces deux jeunes Français? Ils nous disent, on déambule dans un petit village pittoresque de France, qu'est-ce qu'on voit? On voit les vieux qui ragent parce qu'ils n'ont pas assez de pognon, parce qu'ils ont voté pour Macron, et Macron n'était pas censé leur rogner quelques centaines d'euros sur leur CSG, ça les rend fous, entre deux imprécations, donc, contre l'Église catholique qui n'existe plus. Et quand vous sortez dans la rue, vous avez la société que ces mêmes gens ont créée, et qui est une société de bougnoules, de nègres, voilà, bon, c'est ça que vous avez soulevé. Et de sodomites, hein. Et de sodomites. Et en fait, quand vous vous intéressez un peu aux partis du système qui mettent en place ces politiques-là, donc le parti de Valérie Pécresse, c'est les Républicains, ils finissent par cracher la pastille et vous dire « Ah oui, effectivement, en Île-de-France, bon, il y a quand même les deux tiers de nègres et de bougnoules. » Donc voilà, alors vous ça. Comprenez. Et là, elle enchaîne, elle dit « Oui, il faudrait une politique d'intégration. » Ce qui n'a jamais encore été tenté une seule fois, bien sûr. Non, jamais. Ça a très bien marché. Mais c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'en fait, notre couple d'auditeurs, ils ont été confrontés aux gens à qui ils doivent assurer le train de vie. Hein, c'est ça, hein, c'est-à-dire que les boomers, il va falloir que tu payes pour eux. Les bougnoules qui te regardent de travers en jouant à la pétanque, enfin, les bougnoules ou assimilés, hein, espèce de crypto-gnoules, des rabouins marrons, là, les espèces de rabouins de race bizarre du sud. Tu payes pour eux, hein, ce sont des cassos, il n'y a pas de souci. Et tu vas avoir aussi les sodomites, parce que tu vas payer leur traitement, là, oui. leur machin. Oui. Alors que ce soit le sida. Ou alors le truc pour pas qu'ils aient le sida qui coûte des milliers d'euros par mois. Hein, la PrEP. Donc voilà. Donc là, vous avez nos auditeurs, ils ont fait le tour de... Voilà. Pandémonium. Le pandémonium, mais surtout, ils ne se sont pas rendus compte, mais leur portefeuille s'est vidé. Dès qu'ils ont passé le trajet, tu vois, au fur et à mesure, merde, j'ai plus rien à payer, tiens. Et puis, je peux plus. Oui, en fait, c'est la France. L'itinérance de ce jeune couple de Français là dans celui-là, ce n'est jamais que le projet de société voulu par les boomers. Hein. Voilà. C'était ça leur projet de société et il s'est matérialisé. Ah. Et ces gens-là, après avoir quand même s'être beaucoup mobilisé pendant 40 ans pour que ça advienne, attendent une retraite bien méritée. Et malheur à celui qui essaiera de leur manger 200-300 euros sur l'année. Oui. Je me rappelle d'un truc, je pense qu'on en a parlé d'ailleurs dans l'émission, je crois même qu'on avait cité l'extrait. C'était passé sur France 2 ou TF1. Des profs. C'était un couple de profs et c'était l'histoire de la CSG, tu sais. Et le type t'expliquait qu'en fait, que sur l'année, ça leur coûtait 800 euros. Les mecs, ils avaient des retraites de milliers d'euros par mois. Et ils étaient là dans leur cuisine et tout. Mais je veux dire, c'était pas du tout un taudis, quoi. C'était incroyable. Des profs socialistes en train de geindre parce qu'on avait retiré 800 euros. Enfin, non, mais attends. Moi, j'ai un programme hein, pour les plus de 65 ans. Hein, à partir de nés entre 45 et 65, c'est 500 euros par mois pour vivre hein, en couple. Voilà. Je préviens. Alors, petit bémol sur la société voulue par les boomers, je suis d'accord. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans la tête du boomer, lui, il voit l'immigration comme Vous savez, juste comme le souk à Marrakech, quoi. Donc lui, il est content parce qu'il sent des épices et il s'est dit, tiens, la CT que je voudrais, c'est pouvoir acheter des petits sacs comme ça en cuir authentique. Ah, c'est Et ça. après, il s'est pas rendu compte que Mohamed, en fait, bah, il allait venir Il fait pas des tout gosses, seul. il deal de la dope, ouais, effectivement. Voilà, puis il vient avec 15 femmes et puis il parle un français. Bon, vous connaissez mieux que moi. Hein. Il s'est pas rendu compte de tout ça, le boomer. Voilà. Et alors, puisqu'on parlait des chiffres, je fais une petite parenthèse. Donc, la fameuse PrEP dont parlait Derek, excusez-moi, c'est un autre sujet. C'est donc 5 000 euros hein, tous les mois remboursés Ah. à 100%. N'oubliez pas Ah. de payer vos impôts. Voilà. Et il n'y a Ah. pas de lobby LGBT, bien évidemment. Non. C'est intéressant quand même, comme ces boomers, vous savez, ça me fait me penser, du coup, ça me fait penser à ça. Donc en fait, ils crachent sur l'Église catholique parce que, vous comprenez, il y a des interdits, merde, moi j'aimerais avoir que des droits et aucun devoir, en gros. Mais en fait, quand ils voient le petit Mohamed, ils trouvent finalement que la religion, ça devient génial, en fait. L'islam, c'est fantastique. Et bon, bah, les juifs, Ouais. là, de toute façon, Le ça leur parle pas, eux. rapport des boomers à l'immigration, c'est en fait c'est partir en vacances sans prendre l'avion. Tu C'est vois, ça. C'est c'est ça. tout. C'est l'exotisme pas cher à dire. Et comme tu l'as très bien dit, j'ai trouvé un sac génial. Tu vois. Non mais moi pas que ça. Enfin, moi j'ai vu cet été là, en fin de saison là sur la plage, une couple de boomers avec des gueules qui pendent là, on dirait des cockers, c'est absolument ignoble. Ils étaient là, ils sont fait accoster par un nègre avec des tapis pourris, tu Ah vois. oui. Et puis là, et puis t'avais la nana qui dépliait les tapis, qui regardait. Et ah, c'est beau, c'est beau. Et puis elle est repartie avec une horreur, quoi, une horreur de nègre. Alors, Oh là là là là, là il m'est arrivé la même toute situation fière une d'elle, fois. quoi. Elle était contente de son achat, hein. Elle avait son horreur, mais comme si elle était allée au Sénégal, tu vois, sans prendre l'avion. Elle avait pu goûter les joies de l'art nègre, hein. L'art africain, Jacques Chirac. Non mais le gros nègre, tu vois, avec ses tapis pourris, vous voyez un petit peu, vous avez déjà vu à la plage ce genre de truc. Les boomers ont une espèce d'addiction à la négritude. Voilà, c'est pour eux, c'est de l'exotisme en fait. Ils sont en visite, ce sont d'éternels touristes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Un touriste, bon, on espère. Enfin bon, malheureusement, ils sont bien décidés à rester, quoi. Malheureusement, malheureusement. Alors, quelqu'un veut-il dire quelque chose sur ce courrier? Don courrier, mais pas particulièrement. On souhaite en tout Bah cas non, mais le meilleur hein, pour ce couple, on voilà, l'espère. le meilleur, la stabilité financière pour bientôt, chers amis, et puis le petit, le petit, hein, le petit qui devrait arriver aussi. C'est ça, c'est ça. Tous nos voeux, et puis moi je remarque que c'est une auditrice qui nous a écrit, ce qui n'est pas la première fois d'ailleurs, mais je trouve ça très bien, parce que certains pensent qu'il faudrait être limite gauchiste, normie, féministe, pour que les femmes nous écoutent, et puis en fait on se rend compte que non, et qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes femmes qui sont saines et qui savent ce qu'elles veulent dans la vie, qui sont plutôt sur notre ligne que sur la ligne normie féministe, donc moi je vois ça aussi comme un très bon signe. Félicitations à notre auditrice. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal de courriers d'auditrices qui sont de qualité, hein, comme quoi il n'y a pas à flatter les putes pour que les nanas de qualité s'intéressent à ce que vous racontez. Hein, petit message en passant aux intéressés. Au progressisme, donc. Voilà, l'Occident. Ah, l'Occident. Rubrique numéro 1, messieurs, après cette digression. Bon, c'était, voilà, les dons, mais il fallait le citer. Rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, premier courrier. Alors, je tiens, avant de commencer mon court récit, à vous remercier pour vos émissions et vos articles de grande qualité, bon, écoutez, qui savent manier humour et sérieux, tragique et espoir, tout cela dans la joie et la bonne humeur, cher à notre tonton moustachu. Adolf Hitler, peut-être? Alors, j'ai été dernièrement suite à 6 mois sabbatiques passés dans un coin du monde préservé de nègres et de bougnoules. Oui, ça existe encore dans quelques temps. Gageons que la juiverie et les droits de l'homme de l'Occident sauront remédier à cela. J'ai donc été obligé de trouver rapidement du boulot. Et comme étant un pauvre petit blanc de la France périphérique, pas grandement diplômé, je n'ai pas fait le difficile et on m'a donc proposé un boulot de vigile dans deux magasins situés dans une ville gangrenée par la pouillerie, surtout islamique et maghrébine. Alors, le premier, grande enseigne, connue mondialement, spécialisée dans la fabrication d'articles de sport, le second magasin était spécialisé dans le prêt-à-porter et accessoires de haut de gamme. Dans ce qui peut s'apparenter au temple, ou devrais-je dire la synagogue de la société libérale et de l'uniformisme made in USA, l'équipe de vendeurs était bien représentative du multiculturalisme porté en étendard par la société en question. Les vendeurs étaient maghrébins, barbus, style salafiste, turcs constamment en train de jurer et de réclamer la miséricorde d'Allah, métis étranges, libano-antillais que seule la France peut nous refourguer, gonzesses à deux de QI, à deux chiffres de QI, dont une pute à Bougnoul d'ailleurs. Les seuls blancs transpiraient la déculturation avec des prénoms à la Brandon, Kevin, Eddie ou que sais-je, bien typiques de la génération des années 90. Certains transpiraient la suffisance et l'autosatisfaction, surtout un en particulier, bien content d'être le bon toutou du chef, un boomer ultra tatoué, cette plaie moderne d'ailleurs que sont les tatouages dignes des sauvages. Bon, ça c'est l'avis de notre auditeur, ça ne mettra pas tout le monde d'accord, c'est sûr. Barbe de hipster dégueulasse, toujours en short et t-shirt swag, et qui parlait en rebeu avec ses propres employés. Comme souvent dans le milieu de la sécurité, mes collègues directs étaient Bougnoul ou Nègre. Nous ne travaillons pas ensemble directement, mais en demi-journée avec passation de consigne, donc je n'avais pas à les côtoyer de trop heureusement. Les Nègres, fidèles à eux-mêmes, étaient de grands enfants un peu niais, mais j'ai surtout le souvenir d'un maghrébin sûrement kabyle ou berbère, d'ailleurs qui ne faisait pas le ramadan, picolait comme un trou le week-end, selon ses propres dires, et ne parlait que constamment de pognon, c'était son obsession. De là à dire qu'il pourrait être un adepte de la secte judaïque, il n'y a qu'un pas que je ne franchirais pas. La clientèle était composée de 90% d'halogènes, hostiles, malpolis et insupportables, bref, de sales étrangers, quoi, pas étonnant. Dans l'autre magasin, si la clientèle était plus haut du panier, l'ambiance était insupportable. Majorité de gonzesses imbues d'elles-mêmes, idiotes au dernier degré, qui versaient clairement dans le mépris de classe par rapport aux vigiles qu'elles pensaient inférieures et bas de plafond. Petite dédicace à une nana d'origine ukrainienne qui était copine comme cul et chemise avec des bougnoules. On viendra me reparler de la soi-disant préservation naturelle des filles de l'Est à la dégénérescence. Non mais ça c'est une aparté. Non mais moi je livre les courriers comme on me le donne. Hein. C'est intéressant comme détail. C'est intéressant. Les seuls employés étaient trois pédales immondes, un youpin qui portait fièrement son étoile de David, un autre libano-antillais dégueulasse et une pédale blanche plus âgée. Sans blague, ce dernier, avant l'ouverture du magasin, vient fièrement en salle de pause où je prenais une petite collation et m'exprima fièrement à voix haute ses ébats de la nuit d'avant avec son autre sodomite qui lui servait de compagnon. De quoi vous donner des envies de retour de Heinrich Himmler et d'étoiles roses de bon matin. Je confirme. Alors moi ça finit en terrine ça, c'est pas possible. Hein. Oh là là là! Ah, il faut que je calme mes troupes là! Oh là là là! Ah, attends! Alors, heureusement, le cauchemar n'a pas duré longtemps et j'ai pu rebondir et changer de boulot assez vite, mais je pensais que cette petite expérience méritait de vous être narrée en espérant qu'elle soit commentée lors de la prochaine émission. Salutations participatives, force et honneur à vous et Sieg Heil! Fantomas. Alors, je suis très content que Fantomas nous ait écrit. Il nous parle de sécurité. On avait eu un super courrier. Moi, je le cite. Je vais le reciter encore longtemps, je crois. D'un auditeur qui nous avait raconté par le menu son expérience dans le même domaine et toujours pareil dans les grandes surfaces, ou grandes enseignes. Alors, bon, il nous a pas donné la région, je le comprends. Mais qui veut me commenter là-dessus? Il y a le côté pétasse qui est intéressant, là. Le côté pétasse, c'est... Qui méprise... Oui, les pétasses dans les magasins qui viennent... parce que, bah, oui, c'est-à-dire qu'en fait, les types qui ont du pognon dans ces coins un petit peu à cassos, c'est les dealers. Donc du coup, les putes blanches, elles vont se faire acheter des merdes chinoises à marque. Hein, c'est de la merde, hein, ces trucs-là. Hein, c'est du plastique, c'est tout ce que tu veux. C'est à chier, hein, mais ça coûte une blinde. On appelle ça de la verroterie. Oui, on appelle ça l'attrape au couillon aussi. Hein, enfin bon. Et donc c'est le t-shirt swag, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, bon, ben ouais, c'est connasse, notamment, bon, j'ai rien contre les Ukrainiens ou quoi, hein, mais bon, c'est assez rigolo pour être noté. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pu être autre chose. Enfin, je pense qu'il y a de tout. Hein. Il y a de tout pour le coup au niveau racial. Surtout. Là, il y a de tout, ouais. Ouais, voilà, toutes les pétasses qui sont très heureuses de dépenser de l'argent de la drogue C'est ça, ouais. pour ces trucs-là. On avait fait une émission il y a assez longtemps. Je crois qu'il y avait. On avait parlé avec Astérix, une marque assez particulière. Un type qui a fait des t-shirts, type vend ces t-shirts genre 200 ou 300 balles, c'est un t-shirt Ouais. de merde, tu sais. T-shirt de merde avec marqué un truc, une marque, enfin bon. Toute cette clientèle-là de rap huant, là, C'était plus ou moins un rappeur, je crois. C'était plus ou moins un rappeur, je crois. Oui, non, lui, le gars, je crois pas qu'il était rappeur. Je ne sais Non? pas si c'était pas un Suisse ou un truc comme ça, mais ça s'adressait effectivement aux rappeurs. Aux dealers Ah oui, et aux je putains vois. Ouais, ouais, ouais, ouais. qui traînent autour. Et ça, effectivement, on avait suggéré à nos auditeurs qui souhaitaient se lancer dans du business, éventuellement, de faire quelque chose comme ça. Hein. Prendre le fric de ces gens, c'est ni plus ni moins que reprendre ce qui est à toi. Hein. Bon. Qui d'autre? Je me disais, dans ce contexte-là, je pense que l'hypergamie glorifie les halogènes, parce que bah déjà les halogènes sont quand même les premiers à dealer, donc les premiers à avoir de l'argent et puis à pouvoir acheter ces gadgets aux nanas. Les halogènes sont glorifiés par les médias, mais il y a aussi un truc que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a pas mal de blancs qui sont acculturés et qui vont se mettre à utiliser des termes de bougnoule, à fumer des joints, à s'habiller comme les Arabes, enfin même à ressembler physiquement aux Arabes. Mais dans ce cas-là, les blanches, j'ai l'impression, préfèrent soit des vrais arabes, soit de vrais noirs, comme si elles se rendaient compte qu'au fond, ces blancs, c'est eux qui sont dominés et qui sont acculturés, alors qu'au moins le bougnoule, le mi-dealer, mi-salafisé, lui, il est plutôt dominant, il est dans son élément, et la nana réagit au dominant, et elle va le voir lui. Donc dans ce contexte-là, l'hypergamie joue plutôt en faveur des halogènes, moi, pour ce que j'ai pu voir. Ça paraît évident. On a eu la même réaction, je crois, dans une précédente émission sur le rap. Alors moi, c'est pas trop mon truc, les blancs qui font du rap nationaliste. Et en fait, les femmes, finalement, à la fin, elles vont vers l'original plutôt que la copie, quoi, vers les bougnoules. C'est un petit parallèle qu'on avait fait Ça dans une paraît des évident émissions. aussi, effectivement. Deuxième courrier, les amis. Bien le bonsoir, cher frère démocrate. Après plusieurs semaines sans courrier, je reviens vers vous pour vous faire part d'une petite tranche de vie qui devrait vous faire sourire. Alors que j'allais tranquillement déposer un colis au point relais le plus proche de chez moi en compagnie de mes chiens, une horde composée de crouilles et de nègres a fait irruption dans le magasin. Ces créatures puantes sont allées se servir dans les rayons, communiquant avec des espèces de cris aux accents simiesques que je fus bien incapable de comprendre. Après tout, rien d'étonnant, je ne parle pas le singe. Passons. Les envahisseurs, une fois leur sac rempli de victuailles, se dirigèrent non pas vers la caisse, mais en direction de la sortie du magasin. Parmi les employés, un seul réagit. Le blanc, le seul blanc. Par le plus grand des hasards, naturellement. Ne pouvant rester de marbre, j'allais aussitôt lui prêter main forte en vue de discipliner cette tribu mi-bénouin, mi-bonobo. Ces animaux, qui étaient un peu plus d'une vingtaine, se firent particulièrement menaçants, certains sortant même des couteaux. Inquiet de leur écrasante supériorité numérique, je défis rapidement la muselière de mes compagnons, un American Staff et un berger malinois. Fulbert, je pense à toi très fort. Soit dit au passage, je dois dire que je suis assez fier d'être le maître de ce dernier depuis que l'un de ses frères a fait couler une chiasse d'enfer à l'empereur Krouille. Qu'à cela ne tienne, nous n'étions jamais que quatre pour repousser ces envahisseurs. Je fis un signe à mon frère de race pour que nous attaquions les premiers, ce que nous fîmes. Je savais les orques d'une grande lâcheté, mais je dois avouer que je n'avais jamais encore réalisé à quel point. Nous en abattîmes un chacun, et mes chiens n'eurent aucun mal à en foutre deux autres à terre et à les immobiliser, avec la gorge pratiquement dans leur gueule. En un battement de cils, toute la bande s'enfuit en hurlant de terreur. Une fois la vermine du Mordor partie, le courageux employé me remercia chaleureusement et me laissa ses coordonnées au cas où l'un de nous aurait à nouveau des ennuis. Après l'avoir salué, je pris le chemin du retour, encore sidéré d'avoir eu aussi facilement raison de ces sales crouilles et autres nègres excrémentiels. J'espère que vous prendrez la peine de lire et de discuter ce témoignage durant l'émission, car je veux que mes frères de race aient bien conscience d'une chose. Dès lors que vous avez un tant soit peu de couilles et que vous savez un minimum vous battre, vous n'avez absolument pas à avoir peur, ni des bougnoules, ni des nègres, ni de quelque autre race parasite que ce soit. Amis démocrates, je vous remercie pour votre travail ô combien salutaire et vous souhaite une très belle soirée. Heil Hitler. Alors, là, ça va être la thématique des chiens. Oui, des chiens et des arabes. Et des arabes. Alors, c'est une grande histoire d'amour. Et des nègres. Non, mais c'est... Il y a une alchimie particulière. Entre le berger. On va parler d'animaux. Hein. Voilà, on va parler d'animaux. Voilà. Alors, moi, je veux dire, avant de commencer la discussion, vraiment, mais ceux qui nous écoutent, si vous avez de la place, vraiment, investissez dans un compagnon de défense, c'est-à-dire parmi les meilleures races de défense. Alors, je vous laisse choisir. Renseignez-vous, il y en a plusieurs, voilà. Mais vraiment. Mais le Malinois est effectivement. Très bon chien. Eh, le Malinois. Alors, qui a à son actif. Le palmarès. Rien à son palmarès, rien moins que la tête d'Al-Baghdadi, s'il vous plaît. Quand voilà. Même. Le destructeur de calife, hein, le berger malinois. Donc, moi aussi, j'avais jamais effectivement trop réfléchi à cette question-là, mais je t'avoue que le courrier de l'auditeur me fait réfléchir énormément, et je vais. Non, mais vraiment, parce que. Non, mais c'est vrai, hein, vraiment. Non, mais vraiment, parce qu'on arrive dans une phase où, voilà, territoire hostile, etc. Le gouvernement, j'aime autant vous dire que il surveille le moindre canif, machin, et rien ne vaut un fidèle compagnon. Je vais pas quand même citer Mad Max. Le cas de Blondie quand même, je veux dire, voilà. Ouais, bien sûr. Donc d'avoir un compagnon de défense, et puis surtout quand on tient compte, comme je disais, de l'alchimie toute particulière qui existe entre les bougnoules, les nègres et les bergers. Moi, je dis banco, et voilà, réfléchissez-y, chers auditeurs, réfléchissez-y, c'est pour votre sécurité, la sécurité de vos enfants. Vous pouvez vous retrouver dans une embrouille à la con, vous n'avez pas compris, vous êtes en train de garer votre bagnole, il se passe, tout va bien, il fait beau, là, et il y a un bougnoule puant qui sort de sa BMW, il vous embrouille, vous n'avez pas compris, il vous a déjà planté un coup de tournevis dans le rein, ayez un chien. Alors, maintenant, j'ouvre la discussion et je laisse la parole à qui veut la prendre. Je suis d'autant plus ravi que quand on connaît en fait les liens particuliers qui existent entre l'islam et les chiens, ça fait quand même super plaisir, quoi. C'est-à-dire que pour les musulmans, le chien est un animal impur, et nous, on pourrait quand même trouver ça curieux, parce que la principale qualité qu'on prête aux chiens, c'est leur fidélité, finalement. Et le bougnoule étant un traître, c'est pas étonnant qu'il n'aime pas, les chiens. Je dirais quand même qu'il faut faire attention, parce que malheureusement, parfois, dans ce genre de situation, même en cas de légitime défense, les autorités compétentes ou incompétentes... incompétentes que compétentes, d'ailleurs. Oui, arrivent à des conclusions très très étranges, du genre la vie d'un bougnoule serait supérieure à la vie d'un chien. Me concernant, je pense que la vie de 100 bougnoules ne vaudrait pas la selle d'un chien, mais bon. On a des conclusions différentes là-dessus, quoi. Donc, voilà, faut quand même faire gaffe à ce que l'animal se fasse pas piquer en bout de chaîne, quoi. Bien sûr, mais bon, après, c'est la guerre. Après, voilà, si vous faites attaquer et que vous avez l'animal, bon, bien sûr. C'est la guerre. Surtout qu'en plus, de manière pratique... Vous savez que les Romains avaient des chiens de guerre, hein. Mais bien sûr. Il n'y a pas que les Romains, d'ailleurs, mais les Romains avaient des chiens de guerre, hein. J'ai vu un animal en Turquie, je sais plus comment il s'appelle, en Anatolie. C'est des machins croisés avec des loups, là. Un cheval. Mais le truc est terrifiant. ça bouffe des lions, ça. C'est tellement effrayant. Bon, par contre, évidemment, c'est pas pratique, parce que vous pouvez pas le mettre dans votre T2, hein. C'est sûr. Mais enfin, il y a des trucs en circulation qui sont tout à fait intéressants. Le Malinois, alors un animal très intelligent, très beau. Voilà, hein. Donc, encore une fois, moi j'insiste, hein, en milieu hostile, rien de tel qu'un gros chien. Et en plus, ça met à distance les nègres. Ça et c'est légal, d'ailleurs, en plus. Ouais, voilà. Mais c'est légal. Donc, non, mais vraiment, je veux dire, les nègres ont peur des chiens, il faut savoir ça. Les nègres ont peur de ça. Oui, oui. Bah, enfin, de nombreux chiens comme ça, bon, j'ai pas mal de témoignages, si tu veux, de gens qui avaient des bergers allemands. Hein. Quand le facteur était un nègre ou un arabe, le chien était particulièrement méchant, quoi. Bah, le problème avec du chien, c'est qu'il a un odorat particulièrement aussi développé et que le nègre pue. Bah, oui. Forcément, ça l'irrite. C'est-à-dire que oui, je suppose que bah, c'est ça, ce qu'on a en commun avec le chien, on a l'odorat particulièrement développé aussi, le chien plus. Et oui, les chiens n'aiment pas les... Enfin, oui, allez, ça les rend fous, les nègres, hein. Ça les rend fous. Ah oui, non mais vraiment. Donc le message est passé. Vous avez une race préférée ? Moi, je suis très dog allemand, mais pour des raisons esthétiques, pas pour des raisons pratiques. D'accord. Alors en France, ils ont ces lois à la con, vous savez, en France, maintenant, c'est interdit de couper les oreilles des Dobermans. On peut plus couper les oreilles des Dobermans. Parce que c'est les oreilles en pointe, là. Alors donc, ils ont leurs oreilles naturelles, quoi, d'accord. Alors, on va dire, ouais, mais c'est méchant, et ça, bon, peu importe. Mais alors, le Doberman, quand vous le voyez courir, je vous assure, c'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant du tout. Hein. Le truc, il est gigantesque. Il est gigantesque, le Doberman. Ça a pas l'air comme ça, mais il est très grand. Quand vous le voyez courir vers vous, c'est très bizarre comme sensation, je dois bien le dire. et tout noir. donc il y a vraiment de très beaux compagnons, comment dirais-je, possibles. Vraiment, je recommande. De Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs. Oui, il avait une très belle photo de Jean-Marie Le Pen avec ses chiens, hein. Tout à fait. Ouais. Bon, enfin bon, il y a des options, quoi. Il y a des options, mais moi j'insiste. Hein, protégez-vous, adoptez un chien. Si vous hésitez, si depuis plusieurs années vous dites tiens, pourquoi pas, etc. Franchissez le pas parce que à mon avis vous sentirez plus en sécurité, vous voyez. Voilà. Alors, c'est plus malin que transporter un objet qui serait interdit. Ouais, voilà. Et tu te le fais gauler par les flics parce que t'aurais, je sais pas, une matraque télescopique ou même une gazeuse. Maintenant, t'as des problèmes fois pour des gazeuses. Après, petit bémol quand même, c'est quand même mieux quand le chien, enfin surtout les chiens qui sont un peu de grosse taille, quand ce sont des chiens qui peuvent rester dehors, quoi. Oui, ça rentre en compte, bien sûr. Chien d'appartement, c'est bon, berger allemand dans une appartement. Ça coince un peu. Donc réfléchissez à ça aussi, c'est pas top. Hein, enfin bon, moi j'ai connu des collègues hein, qui avaient des gros chiens en interne appartement. Je veux dire, c'est pas parfait, mais quand t'es vraiment en environnement hostile, tu vois, tu relativises, tu vois ce que je veux dire. tu te dis ouais, bon, c'est un peu moins pratique, mais quand même, quand j'ouvre ma porte, je me sens en sécurité, quoi. Voilà. Parce qu'un gros chien, ça fout vraiment les jetons. Quoi. Ouais, il a même pas besoin d'attaquer, en fait. Hein. En fait, le mec, ça se trouve, il avait enlevé la muselière pour se défendre. Et c'est ce qu'il a fait. Si les types avaient prêté attention, je veux dire, sans même aucun contact, ça aurait pu se finir comme ça. Quoi. C'est ça. Alors, messieurs, avant de faire une pause musicale, rubrique numéro 3, autisme radical, je trouve ça magnifique. BFM TV, vibrionnante, rayonnante, trompétante. L'opération pour séparer les deux sœurs siamoises camerounaises est un succès. Ah ! Une belle histoire avec vos impôts, avec vos sous, chers amis. Une merveille, j'ai envie de te dire. Bah, c'est vrai qu'on manquait de nègres, hein, je trouve. Eh oui, une merveille. Âgé d'un an, Bissier et Eyenga, Merveille, c'est le nom de famille, Merveille, étaient reliés par l'abdomen avec une partie du foie en commun. Les deux petites siamoises camerounaises sont maintenant des jumelles âgées d'un an. Bissier et Eyenga, Merveille, originaires du Cameroun, ont été opérées à Lyon ce mercredi et l'intervention pour les séparer, qui a duré 5 heures, est un succès, ont annoncé les médecins dans un communiqué. Nées le 6 novembre 2018, elles vont pouvoir découvrir le monde individuellement. À tout juste un an, elles sont actuellement en réanimation. Dans un état stable, précisent les hospices civils de Lyon. À leur sortie de réanimation, les petites filles seront transférées dans le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital femme, mère, enfant des hospices civils de Lyon, pour des soins de suite et de rééducation. Initialement prévue le 7 novembre, l'opération avait dû être reportée en raison de l'état de santé des deux sœurs qui avaient contracté un virus respiratoire. Bissier et Eyenga, Merveille, étaient reliés par l'abdomen, donc comme je l'ai dit, avec une partie du foie en commun. Leur séparation a mobilisé une vingtaine d'experts, comprenant des anesthésistes, chirurgiens et réanimateurs. C'est vraiment un travail d'équipe. Chaque membre de l'équipe a su s'adapter, a su adapter sa pratique à la morphologie atypique des deux petites. C'est félicité le professeur Pierre-Yves Mur, chef de service adjoint en chirurgie pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. Les fillettes ont été vues, ainsi que leur maman, par un psychologue, en plus. Et leur devenir psychologique et psychomoteur sera surveillé, indique le comité de l'hôpital. Alors, je m'abstiens et je retourne vers Derrick. Derrick ? Oui, bah écoute, les miracles de l'Éternègre, la France, en tant que fille aînée de l'Éternègre, multiplie les nègres, justement. Hein, c'est-à-dire qu'on... Et les miracles, et les nègres miraculeux. Les nègres miraculeux, on sectionne les nègres pour en faire deux. Hein, c'est ça, oui, oui. C'est la multiplication des pains de Jésus, mais non, c'est les nègres, il faut se mettre à la page. Alors, à strictement parler, en fait, la définition de ce qu'on avait sous les yeux, c'était une hydre. Hein. Oui. Oui, mais oui, effectivement. C'est l'être immortel, effectivement, qui, enfin, dès que tu en coupes, il en repousse un, oui, ça repousse. Oui, oui. C'est l'éternité, hein, c'est très bon, c'est l'éternel. Alors ça repousse d'autant mieux quand, comment dirais-je, la CMU rentre en jeu. Oh, il n'y a pas que la CMU, absolument. Ah non, mais là, il y a la diplomatie. Non, mais vous imaginez, non, mais c'est l'État. Oui, oui, oula, oui. C'est-à-dire qu'en plus des... Le Vatican, sûrement. Le Vatican aussi. Hein. Oh, l'ONU, probablement. Je pense qu'ils ont resté discrets, mais ils ont dû... Oui. Ils ont dû, hein. Alors, imaginez ça. Vous avez des centaines de milliers de clandos qui arrivent tous les ans. Vous les voyez débarquer, etc. Ah, bon, on a parlé ici hein, des millions de retraités, des millions de centenaires, officiellement recensés par... la sécurité sociale, les quelques 300 et quelques 1000 clandestins soignés par l'AME, je parle même pas des immigrés qui sont en France, ceux qui sont soignés en Algérie. Bon, en plus de tout ça, avec donc ce coût énorme, voilà, j'ai parlé des retraites juste pour vous faire plaisir, en début d'émission, mais en plus, on va carrément les chercher au Cameroun, ça suffit pas, il faut aller en Guinée chercher, vous savez, la bête curieuse, voilà, c'est ça. Ah, oh, une hydre nègre. Mais ramenez-moi ça tout de suite. Est-ce qu'on peut couper une hydre? Je vous pose la question, professeur, est-ce qu'on peut la couper? Ah, bien, c'est tout à fait possible, mais ça va nécessiter des moyens. Alors, 20 spécialistes, le budget, Lyon en urgence, j'ai mis héliporté, le BIN, les psychologues. Le suivi psychologique, voilà. Alors, attention, c'est très important, la psychologie des nègres. Chez le nègre. Alors là, j'entends des gens dire, oui, mais attendez, nous avons gagné dans l'opération non seulement une hydre libérée donc de son sort tragique, hein, une Camerounaise, mais en plus deux Camerounaises pour le prix d'une, Et deux compatriotes, et un sac de sucre pour celui qui se manifestera le premier. Voilà où on en est en France. Deux Françaises, plus la mère. Je présume qu'on va bien réussir à faire venir les cousines, les... voilà. Oui, parce que maintenant qu'elles sont là, ça serait quand même très peu humain de les faire rentrer. Hein, parce qu'elles se sont habituées. Voilà. Il fait froid en Afrique. Il y a un suivi nécessaire. Ouais, psychologique. Voilà, 80 ans de suivi, les deux. Ah bah, non, mais tu rigoles. Bah oui. Alors, si on vous dérembourse vos machins contre je sais pas quoi, ne venez pas gueuler. Il y a des priorités en France. Non, parce que j'entends les gens gueuler là. Ouais, on dérembourse les trucs. Et alors ? Il y a des priorités ? Nous avons des nègres à soigner. La mission divine de la France, j'ai envie de dire. Civilisatrice. Pour paraphraser le livre. Oui, mission civilisatrice. Tout à fait. La fille aînée de l'Afrique. Aussi. Là, peut-être juste au niveau impôt, comment vous le sentez, cette opération? Parce que là, bien, ils disent, bien. Ils disent ah, ouais, techniquement, machin, etc., c'est vraiment génial. Mais au niveau fiscal, comment vous sentez l'opération? Alors, moi, j'espère quand même qu'on ne va pas dérembourser les retraites et obliger nos bons retraités qui ont tellement mérité et tellement cotisé à porter ça sur leurs épaules. Il ouais, faut que non, ce soit les jeunes actifs blancs qui payent pour ça. Hein. Ça devrait tomber sous le sens. C'est mieux. Surtout, en plus, je veux dire, en plus, c'est cohérent parce que on sait la réalité de l'empreinte carbone d'un jeune couple blanc qui veut avoir un enfant. Et comme les blancs font déjà trop d'enfants en Europe, hein, je pense que oui. on résout tous les problèmes d'un coup. C'est-à-dire, oui, les blancs font surtout des enfants qui consomment du carbone, hein, comme l'a dit ça. Cochet. Donc, il faut plus de nègres. Qui consomme peu de carbone pour remplacer ces connards de blancs qui en consomment trop. Je crois que le nègre consomme plus de crack, par contre. Alors, oui, enfin, encore qu'on dit moins de carbone avec le nègre, alors je veux bien le croire. Enfin, le nègre aime quand même les BMW, les Nike, les montres en or, les iPhones certis nègre... diamants, voilà, enfin, bon. Non, mais le nègre mis dans un pays blanc... est obligé, enfin, le chauffage qu'il doit utiliser dans les parties communes des HLM, bon, c'est, hein, je rigole quoi, quand j'entends que le nègre ne consomme pas de carbone. bon, il ne fait pas qu'en consommer. C'est une vaste blague. Oui. Il en produit aussi. oui, il produit aussi. Il produit de l'urée aussi. Du carbone. Hein, Charles Richer, prix Nobel de médecine. Effectivement, il y a des échanges comme ça. Le cycle de la vie. Ah, il produit du charbon, mais du charbon qui ne peut pas alimenter les centrales, hein, donc qui ne sert à rien. Oula, ne t'avance pas trop vite. J'ai des idées en tête. Oui. J'ai des idées en tête. J'ai... Pause musicale, on s'entend tout de suite après, les amis. Allez. rubrique numéro 4, les amis, fait méconnu, ce sont les hauts faits du général Juin, plus connu sous le nom d'Alphonse Juin, maréchal de France. Pourquoi ? Pourquoi parler de cet officier français ? Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas pu louper les incidents de la place d'Italie avec l'extrême-gauche, hein, bon, qui se fait appeler les Gilets jaunes, mais en fait, bon, c'est vraiment l'extrême-gauche. Et il y a une plaque commémorative du général Juin, du maréchal donc Juin, qui a été détruite. On a vu la droite nationaliste française, sans surprise, se dresser comme un seul homme pour dénoncer une action inacceptable, violente. Marine Le Pen s'est emportée contre cet acte contre la mémoire du maréchal Juin. On pourrait en citer beaucoup comme ça. Il faut dire qu'à droite, il suffit en fait de toucher à quelque chose qui a une épaulette pour voir toute la masse se lever comme un seul homme. L'inverse n'est pas vrai. On peut pas dire que l'armée se lève comme un seul homme quand on touche à la droite en France. Hein. Alors, du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez les hauts faits du maréchal Juin qui méritent toute cette considération de la part de la droite nationaliste, donc qui dénonce avec virulence, bien sûr, l'action de l'extrême-gauche et plus généralement la pénétration de l'islam en France? Non, ça vous parle pas spécialement? Non, pas vraiment. Eh bien, on va y pallier. Alors, le général Juin, en 1944, s'est illustré, mais on lui doit aussi un premier livre, hein, qui s'appelle « Le Maghreb en feu », dans lequel il dit des choses comme, là je le cite, hein, je donne des citations, « J'en suis de ce peuplement », là il parle du peuplement du Maghreb, « et par toutes mes fibres ». Il dit encore « Tous ces Français de souche et néo-français sont proches de leurs frères musulmans avec lesquels ils ont grandi. » On pourrait continuer comme ça longtemps. Il y a toute une apologie de l'armée d'Afrique. Hein. Il dit à un moment donné aussi que finalement, au sein de cette armée, jamais les deux races, donc les Français et les Maghrébins, ne se sont si jamais mieux entendus. C'est un précurseur de la France en fait Black Blanc Beur, le maréchal Juin. C'est le précurseur de la France Black Blanc Beur, et pas à n'importe quel moment. C'est au moment où en fait il faut bien évidemment abattre la France de Vichy. Il faut abattre le maréchal Pétain pour y substituer et l'Europe, hein. Et l'Europe bien sûr, mais c'est pour y substituer le régime. Du général de Gaulle, aidé des communistes, des socialistes aussi, on ne le dira jamais assez. Après d'ailleurs l'appel du général de Gaulle à l'appel très officiel à la juiverie new-yorkaise pour réinstituer, dit-il, les Israélites de France dans leurs droits. Ça c'est tout de suite en 1940. Donc voilà, ça nécessite une conquête, une reconquête, pour ensuite chasser donc le Troisième Reich, voilà, et abattre le racisme. Et effectivement, le maréchal Juin va abattre le racisme en pratique, non seulement en combattant avec les Anglo-Américains les forces de l'Axe, notamment en Italie, plus spécifiquement en Italie, mais pas que, ce qui va donner un épisode trop peu connu, l'épisode des Maroquinades. Épisode des Maroquinades. Pour moi, ça me paraît très important de le souligner, parce que vous avez un livre très connu qui s'appelle La Ciociara, donc de Moravia, qui a été à la base du livre, du film, pardonnez-moi, de De Sica avec Sophia Loren, donc qui est le fameux épisode des viols de masse commis par les troupes maghrébines de Juin, sous la supervision en réalité du commandement français, qui s'est fait un plaisir de fermer les yeux lors de ces viols de masse en plein cœur de l'Italie par les chances pour la France, qui, et ça c'est l'inconnu de l'aventure libératoire, dirais-je, de la France libre de Gaulle, ne se sont pas arrêtés à l'Italie. Les Arabes ont débarqué en France en 1944 et ils n'en sont jamais repartis. Ils n'ont pas non plus arrêté d'ailleurs de violer des blanches. Alors, Simplement, hein, pour citer quelques petites données un petit peu précises, selon un article du Courrier international numéro 689 du 15 au 21 janvier 2004, rien que pour le village d'Esperia, composé de 5000 habitants à l'époque, il y aurait eu au moins 700 femmes violées avant la bataille de Monte Cassino. Donc il y a eu ensuite un rapport parlementaire en Italie pour établir l'étendue des crimes commis par ce qu'on a appelé l'armée d'Afrique, qui était composée pour 60% de maghrébins, pour des questions de compensation, etc. bien sûr. Et voici ce qu'on peut lire dans les discussions qui ont eu lieu à cette occasion-là. Donc, je cite. Donc, c'était pour un projet de loi d'indemnisation. Voilà. Pour les victimes des viols et des crimes perpétrés donc pendant cet épisode-là du passage des troupes du maréchal Juin en Italie. Ça, c'était en juillet 1996. Alors, messieurs les sénateurs, au printemps 1944, donc c'est un parlementaire italien qui s'exprime, pendant les combats acharnés pour la conquête d'un pic à 595 mètres autour de Cassino, donc Monte Cassino, un nouvel épisode de cette guerre voyait le jour dans certains lieux du Frusinate, le sud du Latium. Il s'agit des tristement fameux gestes des soldats marocains du général Juin, qui, au nombre de 12 000, sous commandement du général Guillaume, avaient été conduits en Italie sous la promesse d'une indépendance pour leur pays. Ces soldats, aventureux, cherchant des proies à soumettre, foncèrent sur les maisons dévastées de Esperia, Ossonia, Pastena, Lenola et d'autres villages. Plus de 2000 femmes furent violées, la plus jeune âgée de 11 ans et la moins jeune âgée de 86 ans. Des dizaines moururent, 600 hommes subirent le même sort. Donc ils ont violé des hommes. D'accord ? Parmi eux, un jeune curé qui est mort 2 jours après avoir subi ses sévices. 2 sœurs de 15 et 18 ans furent violées par 200 soldats marocains. Une d'entre elles est morte pendant le viol. L'autre, devenue folle, fut internée dans un hôpital psychiatrique. Une douzaine d'hommes armés de faucilles et de bâtons qui avaient essayé de défendre leurs femmes, mères ou filles, furent empalés vifs. Exactement 50 heures après, des officiers français, pistolets à la main, ont repris le contrôle de la situation et ont obligé les goumiers à rentrer dans leur camp. Le pape Pie X, informé des événements, demanda au président Roosevelt que les soldats marocains quittent l'Italie. Il obtint gain de cause. À la suite d'examens médicaux, il fut certifié que 20% des femmes violées avaient été contaminées par la syphilis et 80% par la blénorragie. Alors, j'ai au surplus, je peux le lire éventuellement, mais j'ai au surplus dans le journal Libération, journal de gauche, prononcé s'il en est, un très long récit d'une victime de ces sévices organisés par donc les troupes maghrébines de l'armée française. Je prends votre réaction. Donc, non, parce que, si vous voulez, pourquoi faire le détail de tout ça? Parce que ça s'inscrit dans tout le contexte de l'antifascisme, de la collaboration avec les communistes, de la France gaulliste qui viendra ensuite, et de tout ce qu'on voit depuis. Donc voilà, donc j'estime que ça nécessite d'être précisé, et quand je vois, moi, des imbéciles, sans culture, s'emporter en disant « mais comment l'atteinte au maréchal Juin ?» Alors, je suis d'accord que les types qui ont désossé les plaques commémorant le maréchal Juin ne savent pas de quoi ils retournent, ce sont juste des gauchistes qui détruisent pour détruire, mais il faut quand même savoir de qui on parle et de la politique qui a été la leur. Donc voilà, ça me paraît nécessaire à rappeler. Donc c'est pour ça que c'est intégré dans la catégorie « faits méconnus ». Tu me permets, on peut, ouais, on réagit, on peut réagir ? Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors oui, moi si tu veux, ça m'a fait penser à, comment dire, au récit des soldats de l'épopée napoléonienne en Égypte. qui avait eu le malheur de s'échapper un petit peu trop du sentier. Si ces gens-là ont été attrapés par les bougnes du coin et ont été violés dans tous les sens. Quand on les a récupérés, les types, ils étaient. Ça n'allait pas. Donc là, on constate que ces soldats français qui viennent d'Afrique du Nord hein, aussi, bizarrement se comportent comme les Égyptiens Oui. d'un siècle plus tôt. C'est assez étrange. Et avec un goût prononcé pour la sodomie, effectivement, oui. Oui, La parce sodomie que en plus. la sodomie d'hommes et de femmes, mais surtout les hommes, donc ils sont allés les enculer jusqu'à les tuer, quand même. C'est quand même assez costaud. Parce que, oui, ce sont des indigènes, hein, donc des patriotes musulmans. En islam, hein, on l'a déjà dit depuis le début qu'on fait l'émission, hein, on a évoqué de nombreuses fois l'Afghanistan, etc. Mais celui qui encule n'est pas pédé, hein. C'est normal, il a le droit. C'est halal, hein. On a le droit. Donc bon, les mœurs bizarres de ces gens, quoi. Donc bon, ça c'est la première chose. L'armée de Napoléon, les bougnoules sodomites qui sont totalement détraqués, qui violent tout ce qui bouge, quoi. La seconde, ça me fait penser à ce formidable reportage qu'il y a eu sur France 3, je crois, pour le 11 novembre, cette semaine, sur l'occupation de la Rhénanie. Hein, Ah, oh. ah là là, oh là là, ah, Bah la même c'était chose en fait, merveilleux. la même chose 20 ans avant. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, c'était pas Jeun, c'était Mangin. Hein, Oui, voilà. il était là sur ce, il était là sur ce cheval trôné avec ses décorations de partout, il brillait de partout. Et puis il arrivait avec ses colonnes de nègres, quoi. Et alors, de voir ces images là, ça m'a glacé le sang. Hein, Bah écoute, on a des images, hein, du coup. En plus, ils les ont colorées. Hein. La télévision française a glissé les choses. le problème, c'est que le chien enragé par la négritude qu'est la France n'a pas changé. Voilà, c'est-à-dire que La c'est France, ce pas. qu'on appelle le nationalisme français, est un chien enragé. C'est On un a. chien Oui, tu. enragé qui n'a que foutre du devenir de la population française en tant que telle, c'est une soif de pouvoir pour le pouvoir, peu importe le prix, peu importe le coût, tant qu'on a les honneurs. Donc c'est vraiment la caricature du nationalisme, c'est la gloriole. C'est la gloriole, mais la gloriole à base de nègre. Et la Voilà, gloriole à base c'est-à-dire. de nègre, ça vous donne du rouge et rond. Oui. Alors, Du gasolino aussi, hein, de deux choses l'une, pareil. soit on a un projet de civilisation, soit on finit au niveau de la Guinée-Bissau. Mais il faudra choisir, il faudra trancher. Et à mon avis, on va pas tarder à s'approcher du point où ça va trancher assez sérieusement. Mais le nationalisme français tel qu'on nous le présente, qui essaye de s'affirmer contre vents et marées, en s'appuyant sur sur des hominidés sortis d'Afrique, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Parce que maintenant, c'est les Françaises qui sont mises au même régime. C'est ça que j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'au nom de la gloriole hexagonale, c'est les Françaises qui se font violer par des nègres. D'accord? Alors que des gens soient suffisamment illuminés et aient le cerveau suffisamment détraqué pour tolérer ce genre de truc, c'est une chose. Mais quand ça tombe sur votre gamine, c'en est une autre. Et ces gens-là s'en torchent le cul. S'en torchent le cul de savoir que vos filles se fassent violer par des nègres. Ils en ont rien à foutre. Oui, C'est vrai. ce qui les occupe, c'est le patriotisme douteux des Alsaciens. Ça, c'est le problème. Tu vois. Des nègres qui découpent des gamines. Tu vois, par exemple, on avait eu le cas, par exemple, en Italie. Hein, rappelez-vous, c'était quoi, Paola Mastropietro, je crois, Bah oui, par des hein, Nigérians, qui bah avait été finalement, découpée par un dans la nègre hébergé par continuité, l'église. Voilà. Hein, du maréchal Juin. Voilà, dans la continuité du maréchal Juin, effectivement, c'était il suivait encore les ordres, un soldat valeureux. Donc on a des nègres qui découpent des gamines avec la complicité de l'Église, enfin du reliquat de l'Église catholique. Et non, le problème c'est que les Alsaciens sont une allégeance douteuse. C'est ça qui ne va pas. Hein. Non mais c'est bon, il va falloir purger l'autisme à un moment donné. Hein. Stop, c'est ça. Quoi. Très certainement. Mais si on veut être complet, moi je me permettrais d'ajouter ceci, c'est dans la droite ligne ce comportement militaire, le comportement des armées. Il est dans la droite ligne de la République, parce que rappelez-vous quel était le comportement des soldats dits les bleus au moment, juste après la Révolution française, dans certaines régions de France. Je ne suis pas au courant pour les viols, mais je sais qu'ils ont fait des massacres carabinés de population. Et donc, moi je pense qu'un maréchal Juin, il est dans la continuité de ce truc-là. Et c'est plus du républicanisme, me semble-t-il. Et lorsque Gandalf nous parle du nationalisme français, il est un fait que c'est plus du républicanisme français que du vrai nationalisme, me semble-t-il. Alors, l'un dans l'autre, c'est une raison pour laquelle je n'aurais guère confiance dans l'armée française d'aujourd'hui. Excusez-moi les gars, mais c'est comme ça. Pour un petit peu compléter ce que disait Schubert, oui, les armées républicaines ont commis ce que je crois que il s'appelle René Secher appelle le populicide, hein, en Vendée notamment, avec des massacres de populations particulièrement sordides et systématiques. Avec des méthodes que Lénine était venu étudier, hein, parce que ça l'intéressait beaucoup, pour mettre en place ce régime extraordinaire de paix et d'amour dans le monde entier, qui est le communisme. Oui, il y a une certaine logique là-dedans, une matrice, peut-être, hein, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est forcément la République, mais en tout cas, c'est la Révolution, hein, ça c'est clair. Ben, la République, déjà, a amené la conscription, ce qui en soi mettait, donnait un pouvoir à des individus jusqu'au pire d'entre eux, qui leur donnait des armes et qui manifestement les avaient pas encore très bien organisées à l'époque. Rappelez-vous qu'avant la Révolution, les armées c'était des armées de professionnels, de gens qui étaient entraînés, à qui on avait insufflé une morale. Et tout à l'heure, Gandalf va parler de pillage. Je rappelle quand même une petite chose, c'est que c'était déjà certainement le cas à l'époque, mais le pillage est puni de mort. Hein. Mais ceci étant dit, Fulbert, tu voulais étendre la chose sur la question entre la gauche et l'islam. Parce que finalement, place d'Italie, il y avait des gauchistes et il y avait le monument sur la question du maréchal Juin. Bon, ça, on l'a abordé. Mais c'est intéressant parce qu'au niveau du symbole, ça permet de faire des ponts. Alors, est-ce que tu veux me parler, parce que tu voulais en parler, évoquer la question du rapport entre la gauche et l'islam en France suite à la manifestation de la semaine dernière, parce que tu voulais y revenir. Oui, il y a eu cette fameuse manifestation du 10 novembre. Qui prétendait manifester contre l'islamophobie, et où l'on retrouve les cadres de la gauche et de l'extrême gauche. C'est tout juste si on ne voyait pas Mélenchon gueuler à la Wagbar, ce que certains ont affirmé, mais bon. Et il y a eu un prolongement, je ne sais pas s'il date juste avant ou juste après, mais le camarade Mélenchon a été interviewé par une chaîne, un média tunisien, qui a été mis sur pied, désolé pour les noms, mais avec le petit problème technique que j'ai eu, j'ai perdu mes références, média tunisien islamiste, parce qu'il a été mis sur pied par la fille du parti Ennahda qui a gagné ah oui. Les élections ici début octobre. Les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans, effectivement. Et donc la chaîne, le média a été mis sur pied par la fille du président de ce parti Ennahdha, qui est un parti de frères musulmans, effectivement. Et on voit Mélenchon parler, bien sûr, comme il le fait d'habitude, dans le vide, à mon sens, mais j'explique. Il critique, enfin, il attaque la critique des religions, ce qui est quand même étonnant pour un laïcard de son acabit. Et il commence historiquement en parlant de Saint Louis, le roi Louis IX, qui s'en était pris aux Juifs en leur imposant la rouelle. Louis XIV, qui s'en était pris assez sérieusement aux protestants, etc. Et il dit, voilà, maintenant on s'en prend à l'islam. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on se retrouve, je l'ai dit, avec un laïcard enragé qui défend les religions. Mais il y a une petite chose qui échappe dans son discours, c'est qu'il y a quand même une religion qu'il ne défend pas, c'est la religion catholique, qui était celle du roi Louis IX, qui était aussi celle de Louis XIV. Et ce type fait véritablement profession de trahison dans un média étranger et un Voilà. média islamiste. Alors, je m'inscris en faux, c'est pas un traître, parce que pour être un traître, c'est quelqu'un qui aurait dû d'abord être dans notre camp pour commencer. Je ne te suis pas là. Eh bien, c'est très simple, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été un Français. Oui, c'est un ennemi. Ah, Jean-Luc oui. Mélenchon, déjà, c'est un Nord-Africain Oui, d'accord. qui a grandi dans le Soule, qui déteste les Blancs. Il n'a jamais été des nôtres. Hein. C'est Alors par contre, un ennemi. C'est un ennemi. c'est un ami de la République. Voilà, d'accord, oui. Ok, je reconnais, je me suis trompé dans les termes. C'est correct, ce n'est pas un traître. Mais Alors, c'est un salopard. c'est oui, ça c'est gravé dans le marbre, ça. Mais très intéressant ce que tu dis. Qui veut réagir à ce qu'a dit Fulbert? Moi, j'ai bon là-dessus, je mettrai un bémol si tu veux. C'est qu'au niveau de la gauche, alors tu as certes Mélenchon qui a fait qui a fait presque sa shahada, hein, j'ai envie de dire, Oui, oui, oui, oui, oui, oui. mais dans son ne serait-ce que dans son parti, les avis sont assez partagés. Donc c'est une question qui est assez brûlante, semble-t-il, au sein de la gauche, puisqu'il y a ceux qui sont prêts à tout pour retrouver l'odeur de souk absolument partout en France. Donc Mélenchon, hein, lui, hein, c'est Il y a ça. deux choses. Permets-moi simplement et je te redonne la Vas-y. parole. Tu dis c'est l'odeur de souk, donc ce qui serait, enfin, bon, toi tu dis ça, c'est ta façon de moquer un peu comment dirais-je, le tropisme oriental de Mélenchon en disant bah, finalement il a Oui. envie d'importer, ce qui est très vrai et ce qui est absolument central dans sa psychologie. Mais il y a aussi la soif de pouvoir, hein, il faut pas se le cacher. Oui. C'est bien évidemment l'envie de démarcher des réseaux qui sont établis et qui sont de plus en plus incontournables. Non, mais Mélenchon, quand Et même, c'est très clair, hein. est maqué avec Oui, non, je signe dès demain, Chaïkou. Avant hein. elle, Oui. il était maqué à d'autres beurrettes. Enfin, ce type-là, voilà, Bah, la vraiment, est conversion, malade. Il est malade. Hein, il y a la shahada, si tu veux, par l'illumination, et puis t'as la shahada par le cul de la beurette. Oui. Mais il y a une chose que je me pose quand même comme question, ce Mélenchon, ethniquement, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est maghrébin? Est-ce Espingouin qu'il est rouge. français, fils de colon, je vais dire? C'est un Ouais, c'est espingouin espagnol, rouge. hein? C'est Espingouin espagnol rouge. rouge. Mais Avec voilà un profil. madame, sa maman est Bayona, c'est-à-dire que Ouais, bon. c'est une Bayona. Pour moi, Ah, d'accord. bon, je crois pas que le type soit d'origine juive. Je pense pas. Je pense pas. Parce que sinon, je pense qu'il aurait envoyé quelques signaux, etc. Donc je crois pas qu'il soit juif. Mais ce mec-là, c'est un Espagnol rouge, établi au Maroc, qui a une lecture totalement différente de celle des pieds noirs européens qui ont vécu en Afrique du Nord. Encore que, nous avons des Robert Encore Ménard, que. Encore que... Nous avons des Robert Ménard qui sont visiblement très soucieux de tendre la main au Bougnoul. Ça a tellement bien marché en Algérie. Mais voilà, ils sont dans une logique de, voilà, Isabelle la catholique s'est traînée. Bon, voilà, Mélenchon, sa thématique, si tu veux, c'est comment baiser ad vitam aeternam des beurettes, en fait. Bon, ça, c'est sa thématique. Et la haine, en fait, de tout ce qui est européen, quand tu prends le parcours de Mélenchon, c'est ça qui ressort, quoi. C'est la haine de l'Europe, quoi. C'est la haine de l'Europe. La religion catholique, on peut être très critique de la religion catholique, mais on voit bien que chez lui, c'est plus qu'une critique intellectuelle. Ça, c'est de l'ordre de comment dirais-je, du capillaire, quoi. Il y a une réaction épidermique à la religion catholique, quoi. Hein. Bon, première chose, la présence française. C'est quelqu'un, il arrive en France, imaginez, quoi. C'est un citoyen français, normalement, qui est établi dans une colonie française, il arrive en Normandie, le type ressent immédiatement une espèce de rejet en voyant des blonds. Et il l'exprime, il le dit, il dit, voilà, j'ai une répulsion physique pour les blonds, pour les Français blonds, pour les petits Français. Il aurait pu s'entendre avec... Ça arrive à personne, un truc comme ça, je veux dire, ça arrive à personne. Je sais pas, envoyer des petits blonds en Inde, au Maroc, machin, etc. Il y a tout le monde qui les regarde un peu comme des anges, etc. Lui, il arrive en France, je veux dire, il a la chance d'être sauvé par la France, alors que les Bougnoul veulent les saigner. Le mec arrive en France, le mec, il a une espèce de mouvement de révulsion, quoi, pour des petits... Non, mais c'est l'odeur, c'est la Madeleine, voilà. De Proust, lui, c'est le loukoum de rabbin. Hein, c'est ça, voilà. L'odeur du souk, des épices pourries, ouais, ouais. De la sueur de maghrébin matiné de nègre, qui envoie ses effluves dans des rues étroites, tu vois. C'est tous ces sens-là qui sont éveillés chez... Alors, quand tu vois du beurre d'Isigny, tu vois... Il devient fou, hein. Il devient fou. Oui, et puis en plus, quand tu adoptes... Alors, en plus, lui, il est rentré dans la logique du Grand Orient de France. Alors, le Grand Orient de France, si vous voulez, c'est le produit de la guerre civile française, la grande guerre civile française, qu'on appelle la Révolution... En fait, quand on parle de la Révolution française, le terme n'est pas bon. C'est la guerre civile française. Et elle n'est pas terminée, en fait. La Révolution française, quand on dit la Révolution française, on se dit, bon, il y a un début, un milieu, une fin, c'est fini. En fait, le vrai terme, c'est la guerre civile française. Et elle est en train de se conclure maintenant, pour des raisons que j'ai pu aborder dans d'autres circonstances, mais le terme de révolution n'est pas satisfaisant. Et le Grand Orient est dans une logique, enfin, qui est aujourd'hui un rassemblement de boomers, hein, c'est essentiellement ça aujourd'hui, le Grand Orient, un rassemblement de boomers, mais dans une logique de haine d'une partie de la France contre l'autre. Et tout est bon. Tout est bon pour alimenter cette haine, cette soif de destruction, etc. Vous avez envie de tuer votre voisin. C'est la guerre civile. C'est le syndrome de la guerre civile. Vous voulez tuer votre voisin. Peu importe ce qui se passe dans tous les autres pays, votre problème à vous, c'est votre voisin. Vous voulez le voir égorgé au petit matin. C'est ça l'ADN profond du Grand Orient de France. C'est comment je vais tuer mon voisin. Derrière tout leur verbiage humaniste, humanitaire, etc. Et quand vous venez de l'étranger, ouais, comme Mélenchon, quoi, que vous êtes vous n'êtes pas dans le moule, voyez, vous. Et puis la société vous correspond pas, ni racialement, ni dans sa sensibilité, ni dans son climat, sa géographie, etc. Bref, quand vous vous sentez pas chez vous en France, il y a deux options. Soit vous vous barrez, soit vous détruisez votre pays pour qu'il commence à correspondre à vos goûts particuliers, c'est-à-dire à essayer de transformer la France en Maroc géant. Ce qui est le but politique de Mélenchon. Son objectif... Moi, je l'aurais en face de moi, je dirais ça. Monsieur Mélenchon, votre objectif politique dans la vie, c'est de faire de la France un grand Maroc. Je suis sûr qu'il me répondrait oui. Pourquoi ? Il est nostalgique de son bled pourri à la con. Et il rentre dans le bain du Grand Orient, qui, lui, est dans une autre logique à l'origine, qui est une logique de guerre civile. Comment j'égorge mon curé ? Donc je peux pas voir la tête en peinture, quoi. Mais pour d'autres raisons. Donc lui, ça va être, moi je préfère les musulmans, voilà, je suis né avec ça, les petits juifs, moi j'aime ça, voilà. Le problème, c'est que ces gens-là, quand ils gagnent en influence et en responsabilité, ça devient des formules politiques. Ça devient une parole dominante. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est une espèce de convergence un peu bizarre entre le Grand Orient coupeur de tête, l'Islam coupeur de tête, la revanche du métèque qui est parachuté là, qui sait pas trop ce qu'il fait là, mais en même temps qui a envie d'en croquer et qui essaie de se faire une place au soleil. Les Algériens qui seront toujours des Algériens et qui peuvent... Bah, qui se comportent comme des bougnoules. Les nègres, évidemment. Et puis quand même, les youpins trotskistes. Faut pas les oublier non plus, quoi. Et ça vous donne du Mélenchon. Et ça vous donne la gauche. La gauche, c'est vraiment le parti de la haine des Français, quoi. Mais et ces mecs, ils sont... Alors là, vous avez le culot maghrébin, le culot musulman, le culot youtre, le culot de la gauche, tout ça mélangé. Les mecs vont vous donner des leçons de patriotisme. Je trouve ça extraordinaire. Ces mecs-là vont pas trembler. Ils vont vous dire, si vous refusez l'invasion, vous êtes pas un bon Français. Ouais, et puis, ils ont des codes entre eux. Ils pensent qu'ils ont de l'esprit, si tu veux. Moi, j'ai été confronté, malheureusement, très peu de temps à des espèces de boomers de gauche qui étaient très contents de faire de l'esprit sur une chanson anti-Trump qu'ils avaient partagée, tu vois. Oui, et, oui. Tu vois, entre eux, ils s'auto-congratulent, ils sont très heureux de leur connerie, et si toi, tu ne vas pas dans leur sens, tu ne rentres pas dans le jeu de la congratulation collective, commune. Collective, hein, voilà, de la branlette collective, eh bien, tu es bête. Hein, t'es un plouc. T'es un plouc. Hein, bon, alors que ce sont des boomers qui sont... Voilà, ils sont en fin de course. Hein, ils ont leur espèce de jouet, c'est-à-dire des espèces de connards gauchistes qui leur produisent encore un petit peu de divertissement d'une qualité de plus en plus médiocre. Et mais ça leur suffit, tu vois. Quelle existence minable comme ces gens-là. Enfin, très franchement, si je ne les haïssais pas autant, j'aurais presque pitié. Mais Dieu merci, la haine m'habite. Je voulais rajouter une petite chose. Je viens de retrouver mes références sur Twitter. En fait, cette déclaration de Mélenchon à MEM Magazine, elle est postée par MEM Magazine le 5 novembre, donc 5 jours avant la manifestation du 10 novembre. Ce qui veut dire qu'en allant à cette manifestation, ce n'est pas une erreur ou un raté de Mélenchon. C'est bien pesé et c'est voulu. Hein. Mais évidemment que c'est voulu. Et pour lui, c'est un exercice... Enfin, je vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Je vais peut-être donner la parole à d'autres personnes comme Pierrot ou Titus, s'il vous plaît. Prenez la parole, dites un peu ce que vous pensez de ça. Au plan du cheminement idéologique, je veux dire, par exemple, vous voyez un Mélenchon, le mec ultra-laïcard, ultra-bouffeur de curé, qui dénonçait encore en 2010-2011 l'islamophobie comme étant une escroquerie sémantique, parce que, justement, au nom d'un dogmatisme laïcard, et puis vous voyez qu'en fait, il liquide tout et il dit, voilà, ouais, ok. Le problème de nos ennemis, en fait, c'est qu'en fait, c'est des malins aussi. Et je pense qu'on a un peu le mauvais réflexe. Parce qu'en fait, intellectuellement parlant, on a tendance un peu à déconsidérer Mélenchon, alors qu'en fait, je pense que moi, par exemple, tu vois, je suis en face de Mélenchon par rapport à un débat, j'arriverais, sous le plan des idées, à tenir la route, mais je pense qu'au bout d'un quart d'heure, tu vois le mec qui prend le dessus, parce que juste, c'est quand même une tronche, quelque part, et juste, il a une gueule de con et un look de plouc, et on a tendance un peu à sous-estimer. Et il ne faut pas oublier que si jamais il est quand même numéro un de son parti et d'une certaine gauche actuelle, c'est aussi parce qu'il a fait preuve d'un pragmatisme. Jusque là, il a mis en application finalement le pragmatisme à travers ses électeurs qui sont en plus des gauchistes des crouilles, d'accord. Donc il pouvait pas ne pas faire comme il a agi, c'est-à-dire que lui il a une projection de parasite pour tirer ses beurrettes et pour pouvoir continuer à survivre là-dessus, il doit absolument briller quand même tous les 5 ans pour l'élection présidentielle ou faire croire qu'il a une chance. Donc pour ça, il a besoin des crouilles. Donc pour ça, quand on lui pose la question, alors l'islamophobie, Bah, il lâche du lest à la fin, ok, bon, je renie les 20 dernières années, mais les gens s'en foutent, en fait. Le problème de la démocratie, c'est que les gens sont quasiment dans le présent continu, et juste, on n'a pas de mémoire politique. Alors nous, on a de la mémoire politique, parce que voilà, on en parle beaucoup, et je pense qu'on est quand même assez instruit là-dessus, mais le français moyen n'en a pas, juste, il comprend juste ce qui s'est passé les 3 derniers mois, voilà. Donc, voilà. Oula, quelle générosité! Oui, bah Oula, ouais. Tu es non, bon, non, Pierrot. les 3 dernières minutes! Voilà, donc moi j'insiste beaucoup là-dessus à chaque fois qu'on parle de. Je dérive toujours sur le problème central qui est la source finalement du problème, c'est la démocratie. Pour moi, j'en suis convaincu. Et juste là, ce qu'on voit finalement, c'est la conséquence de la démocratie, c'est des types comme Mélenchon qui, malgré tout leur. Enfin, vous faites vous dressez un peu le portrait de Mélenchon, le mec il est à fond pour Maastricht, on s'en souvient de ça. Hein. Et puis le lendemain, finalement, non. Et puis après, 3 jours après, oui. Enfin, vous vous souvenez quand même de son parcours politique? Normalement, il devrait être enterré, quoi. Mais en fait, vu qu'on a un poison qui s'appelle la démocratie, finalement, ça passe, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça ce qui explique finalement, ça rejoint un peu le premier courrier, Mélenchon. Je sais pas si vous vous souvenez, du coup. Bah, c'est quelqu'un qui déteste la religion catholique. Et par contre, pour les autres religions, en fait, c'est un boomer mental. Pour les autres Ouais, mais non, religions, mais c'est c'est pas un boomer l'exotisme. mental, c'est un boomer. Enfin, C'est un il boomer, hein, c'est oui, un c'est un boomer du coup, boomer. ouais. C'est un Oui, c'est un boomer, hein. boomer, hein. C'est le méta-boomer. Le World Boss. Ah ouais, Titus. Ah oui, Mélenchon. En plus, Mélenchon adore s'écouter parler. C'est qu'il y a déjà, c'est un trafiquant d'influence exceptionnel. En fait, Mélenchon n'est pas un très grand intellectuel, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, a une espèce d'intelligence sociale. Il sait ce que les gens veulent entendre. Il sait ce que les gens veulent qu'on leur dise. Et là, ils arrivent à le sortir en faisant des grands écarts, laïcité, islam, et puis en recalibrant son discours à chaque fois. Et là-dessus, il arrive à le faire très très bien. Et à la limite, sa seule faiblesse, c'est qu'il aime beaucoup s'écouter parler et qu'il aime beaucoup aussi mépriser le français de base. Parce qu'il y a des vidéos de lui, je me souviens, notamment une fois sur un marché, je sais plus l'année, mais où il parlait avec quelqu'un, il me semble, qui avait l'outrecuidance de lui dire qu'il avait voté Front National. Et Mélenchon avait commencé à s'énerver et puis dire, mais taisez-vous, vous n'êtes qu'un gros imbécile. Et là, on voyait tout l'ego mélenchonien, Ah mais en non, mais même ça temps, c'était. Mélenchonien tenait la route, quoi. L'autre n'arrivait pas à en placer une, et c'est vraiment ça. Mélenchon, c'est le tribun du peuple, une fois qu'il parle, c'est un torrent, tu ne l'arrêtes plus, quoi. Il aime s'écouter parler, et ça. Mais bon, le problème, c'est qu'il dure, donc nous aussi, il faut qu'on écoute parler. Je crois que l'épisode dont tu parles, en fait, c'est quand ça s'était produit. Il s'était présenté contre Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Oui, c'était ça, c'était sur un Ouais. marché des Nimbeaumont, je Ouais, c'est crois. ça, ouais. Et en fait, il est tombé sur un électeur du Front, en fait. Mais qui avait osé Qui lui était un mec dire, du moi je peuple, vais en fait. Qui voter était un Front. mec du peuple, hein. C'était vraiment le. Bah, comme on dit, c'était le beauf, quoi. Mais je dis ça pour que les gens comprennent de quoi je veux parler. Mais enfin, moi, j'ai pas du tout de mépris ou quoi que ce soit. Ça pourrait être des gens de ma famille, donc. Mais je vois, vous voyez, c'est le bon français, un peu fort, vous voyez, avec sa moustache, etc. Pas le méchant gars, mais qui est, ouais, qui pousse un peu sa gueulante, etc. Mais pas du tout non plus agressif, et qui dit, qui essaye de placer son mot. Et l'attitude de Mélenchon, je me rappelle très bien, je me rappelle très bien la scène dont tu parles. Il se colle à son. À son nez, quoi. Il Ah colle oui, son il lui ventre, il colle parlait ses ventre à à 20 ventre et nez à centimètres de son nez. visage. Et ouais, il lui dit, mais tu es qui C'est toi? comme les Arabes. Mais exactement, Exactement. c'est comme un arabe, quoi. Et le mec, il dit, mais tu es qui toi? Au physique, vous voyez? Et de voir un numéro. Moi, je vous dis, hein, il y a des problèmes que la démocratie ne résout pas. Et ça, faudrait bien que les gens commencent à le comprendre, quoi. Je veux dire. Et des problèmes comme Mélenchon, la démocratie ne peut pas apporter de solution. Et je me rappelle très bien de cette scène, elle m'avait vraiment outré, parce que là, c'était pas du mépris de classe. Hein. Avec le C'est pas. flic, là, c'est ça? Non, c'était pas Non, un non, c'était un flic! Français moyen qui C'était lui un. disait, en Non, parce gros, mais qu'il y combien a. tu gagnes par mois? Et puis Mélenchon, il fait quoi? Ah Moi, je gagne oui! 20 000 euros par mois. Il s'était énervé et il Non, a parce réagi qu'il comme y un a. bonhomme. Il y a aussi la scène où il y a la perquisition chez lui, Non, mais où ça, c'est après! Moi, la République, c'est moi, quoi. je te parle d'un Français du peuple, un petit Français, il Oui. était là, machin. L'autre, tu veux, comme un grand seigneur. Non, mais comment, mais quoi, ça? Alors, quand tu vois ces mecs-là jouer la démagogie à bloc, comment, moi, je suis un homme du peuple, et vas-y que. Putain, mais les gens sont des gogos! les gens sont des gogos. Tu te souviens de l'épisode de l'avion aussi? Ça, c'est quoi l'épisode de l'avion, ça? Ça, c'était Mélenchon qui avait pris la classe affaires ou la première classe en avion, alors celle qui coûte 3 fois plus cher que le billet en classe éco normale, avec les sièges où tu peux t'allonger, les tablettes énormes, etc. Ouais, business. Et Mélenchon qui avait sorti, j'ai passé l'âge de me briser le dos en classe éco. C'est, oui, les gens du peuple devraient bien pouvoir choisir, justement. Mais tout naturel. L'application du communisme à Mélenchon. Oh, alors d'ailleurs, il me semble qu'aux dernières élections présidentielles, parce que bon, il y a les déclarations de patrimoine, il me semble que Mélenchon était le candidat qui avait le plus gros patrimoine. Hein, oui, c'est le plus riche. Ouais, c'est le plus riche. Il est millionnaire. C'est Crésus. Hein. Non, enfin, Crésus. Faut ça pas exagérer. Que Laurent Fabius, quand même. Faut pas exagérer, quoi. Je veux dire. Ceausescu, Non, parce que bon, voilà, il est millionnaire, c'est un millionnaire, mais c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas Bolloré, quoi. Faut pas non plus. Mais c'est un millionnaire, c'est quelqu'un qui est très très à l'aise financièrement, il a sa petite maison de campagne. Enfin, c'est un bourgeois. Enfin, Mélenchon est un bourgeois, c'est un bourgeois de gauche. Un bourgeois de gauche doublé d'un métèque qui aime les bougnoules, je veux dire. Et les Français, bon, je vais pas dire qu'ils aiment ça, parce que c'est pas vrai. En fait, il y a quand même eu, il faut le dire, 2017, il y a quand même 20% des Français qui ont voté pour cette ignoble outre... remplie d'elle-même, enfin, genre, c'est juste incroyable. Des Français. Et non, mais il a failli être au deuxième tour, je veux dire. C'est vrai. Mais de toute façon, Mélenchon, je pense pas que ce soit son but, d'accéder vraiment à la présidence de la République. Je pense que si Gémeaux lui offre, il ira. Mais en tout cas, s'il peut parasiter comme ça encore 20 ans en faisant croire que, lui, il signe tout de suite. Hein, ouais, y a pas mais de attends, soucis. Non, mais on en rigole, mais imagine, ça s'est passé. Macron avait 23 points. Comme Marine Le Pen, d'ailleurs. Non, mais Macron. C'est 23... pareil. Attends, mais attendez. Macron avait 23 points. Marine Le Pen en avait 21. Il en avait, je crois, 19 et des poussières étaient pratiquement à 20. Excusez-moi! Un candidat surprise, vous rajoutez là-dedans un candidat surprise un peu con, machin, mais qui est marrant, il grappille 2%. Vous pouvez avoir un deuxième tour, Marine Le Pen, Mélenchon, et c'est Mélenchon qui gagne. Alors c'est l'horreur, c'est-à-dire que la France se transforme en Venezuela, en fait. Ça serait un truc des inconnus, là. Ah, c'est garanti. un shitstorm de... Bon, ouais. Non, mais à la limite, j'achète. J'achète, tu vois. Oui. J'achète. Pas, que la, tout sauf le statu quo, hein. Non mais que tu auras un concours de pro-négritude là entre les deux. Non mais on gagne 20 ans. C'est-à-dire que de toute façon au final, tu vois, le projet Mélenchon, c'est en gros, hein, au domestique, hein, au plan intérieur, c'est le projet de Macron mais en 20 ans. Sauf que lui, il le fait en un. Donc t'es gagnant en fait, tu gagnes du temps et de cette façon-là, ce serait intéressant d'avoir un deuxième tour Le Pen Mélenchon, tu vois. Mais bon, de toute façon, ce serait le chaos. Mais bref. La peste ou le choléra. C'est ça. Alors, vous imaginez la surenchère entre Marine Le Pen et Mélenchon. J'imagine Marine. Qui sera le plus Mélenchon, à gauche. Vous aimez plus les Arabes, mais moi j'aime plus les nègres. Les gens de Mayotte préfèrent moi. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Vous parlez de la retraite à 60 ans. Je parle de la retraite à 57. Oui, non, mais pour les catégories qui ont vraiment la pénibilité de travail. 52, c'est les enchères inversées. C'est comme pour... 51 au fond. 51 c'est fond. Comme les enchères pour le prix du port, tu vois, c'est les enchères à la baisse, tu vois, c'est... Ce serait l'international communiste, quoi. Évidemment. Non, mais ce serait ça qui se passerait. Mais enfin, ce que voulait dire Fulbert, c'était en gros, bon, parce que l'histoire de la manifestation de Paris, ça a quand même été l'officialisation, le mariage, sans aucune ambiguïté, hein, entre vraiment une partie de la gauche institutionnelle et l'islam le plus militant, hein. Là, il n'y a plus de... j'ai pas compris, j'ai pas vu, quoi, comment... elle porte un voile, oui, mais je crois qu'elle porte un string. tu vois, là, c'était vraiment sans ambiguïté. Alors, avant de se séparer, peut-être là-dessus, le fait que... Alors, comme l'a dit Derek, la gauche n'est pas unanime là-dessus. Hein. Il y a une partie de la gauche qui est libérale, on va dire, qui dit non. Il y a une partie de la gauche grandissante qui est beaucoup plus soucieuse du vote immigré qui dit oui, pourquoi pas. Là, je vous pose la question, en fait, la démarche de Mélenchon, au-delà de lui, aussi de certains féministes, etc., parce que vous avez eu le grand débat cette semaine, c'est le grand débat sur le LCI, là, vous savez, je crois que c'est LCI, vous avez une confrontation entre différentes factions, et ça a un peu tourné autour de ça, hein, finalement. C'est, en gros, est-ce que c'est acceptable ou pas de faire front commun avec les bougnoules parce qu'ils sont tellement nombreux? Alors là, je fais un tour de table et ensuite on sépare. Ouais, donc Clémentine Autain, là, donc la féministe à moitié cinglée, qui découvrait donc en direct, je crois que c'était sur France Inter, je sais plus quelle radio à la con. Donc les alliances, forcément, qui allaient à l'encontre de ses opinions pro-féministes complètement, et mais qui étaient partagées parce que voilà, elle est communiste, mais en même temps, bon, il lui faut des arabes, mais il lui faut surtout pas des arabes qui violent et qui respectent pas les femmes, quoi. Et donc du coup là, on arrive à peu près au même délire, c'est-à-dire que ils sont absolument laïcards les deux. Sauf que Mélenchon, pour des raisons purement pragmatiques et électoralistes, a décidé d'avancer ses pions parce qu'il veut survivre. Et puis, il y a ses soutiens qui, eux, ne lâchent rien, entre guillemets, dans leur... quelque part, ils sont cohérents dans leur connerie et veulent absolument être plus laïcards que n'importe qui. Et du coup, il y a une petite guerre interne là-dessus. Je trouve ça, c'est extrêmement intéressant. J'espère que ce beau bordel va exploser. Ça me ferait bien plaisir. Je pense que c'est pas fini. On va encore en reparler, c'est certain. Parce que normalement... il y a quand même des gens qui sont des idéologues dans l'extrême gauche, des gens qui croient vraiment à ce qu'ils racontent, et qui ne devraient pas pouvoir crier Allah Akbar et à mort les religions en même temps. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Oui, normalement, mais dans un public, si tu veux, qui se rapproche de plus en plus de la frontière des 90 du QI, médian, ça devient possible. Avec en plus, je rajoute ça, des débats où en fait ces gens sont quelque part un peu déconnectés, où ils font souvent des références à la Révolution française, à la Troisième République, et en fait, ils s'adressent à des bougnoules. Et juste eux, eux, ils comprennent pas. Quoi. Ils disent, attends, mais de quoi tu me parles et tout. Non, mais c'est fantastique. Oui, non, mais c'est de l'autisme, hein, de l'autisme des boomers. Hein. C'est très, très violent. Hein. Titus, l'alliance entre la gauche et entre la faucille de marteau et le croissant, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, moi je me dis, tant qu'il y a des boomers, la situation est un petit peu en état de stase, parce que les boomers ne changent pas, les boomers ne changeront jamais, et les boomers ne vont jamais abandonner leurs espèces de références laïcardes, leur vieille rancune sur l'église catholique, enfin, c'est des trucs qui n'ont aucune actualité depuis des décennies, mais ils vont rester là-dedans, ils vont continuer à en parler aux bougnoules. Moi je me dis, les bougnoules qui sont un peu haut placés, ont un peu de sens politique, et savent que les boomers c'est la dernière grande génération blanche. Les boomers ne seront pas grands remplacés parce que eux sont trop nombreux pour être grands remplacés. C'est les générations ultérieures qui le seront. Donc je pense que tant qu'il y aura des boomers, les bougnoules vont être assez... Enfin, en tout cas, ceux qu'on voit s'afficher officiellement, enfin pas les salafistes et ceux qui sont un petit peu hors des murs, mais ceux qui sont dans les murs, France Insoumise, etc. Je pense qu'ils vont rester sur ce folklore. Et puis, plus les boomers vont s'effacer, et plus je m'attends à voir la faction indigéniste, plus je m'attends à voir du Ouria Boutelja surgir de manière d'autant plus virulente que pendant que les boomers étaient là, les bougnoules se sont retenus, et puis quand les boomers vont s'effacer, là, Ouria Boutelja puissance 1000, je sens un truc comme ça surgir. Ouais, t'as tout à fait raison, hein. Moi je souscris totalement. Qui d'autre veut me donner avant dernier tour de table, hein, donc vas-y, Derek. Ouais, écoute, cette alliance qui effectivement pour l'instant est partielle, hein, entre la gauche et l'islam, l'islam politique, on va dire, elle préfigure l'avenir, hein, c'est-à-dire une soumission de ces forces-là, une disparition, comme l'a dit Titus, des boomers, et je pense que ces gens-là se placent déjà, hein, sous Sarkozy, il y avait des Arabes qui tournaient, sous Hollande aussi, sous Macron, les Benalla et compagnie. Il y a toujours, ils sont là, hein, ils viennent mettre les mains dans le cambouis, et ils aiment le fric, hein, c'est très marqué chez eux, hein, ce genre de truc. Le fric, le pouvoir, ça les botte. Je pense que oui, on peut espérer dans les avec la disparition des boomers, donc une gauche qui va de plus en plus se tourner vers la Mecque, hein. c'était facile, hein. Ah, bah, la gauche qui va se... Ça m'arrive. Une gauche qui va donc se tourner vers la Mecque, et de toute manière, la gauche, c'est l'avenir. Hein. C'est ma conviction, moi. Je sors à chaque fois la même étude, l'interview de M. Gourevitch chez Atlantico. qui a dit que pour la prochaine élection présidentielle, pour que si les blancs de droite voulaient avoir, par exemple, un candidat, leur champion, qui soit président de la République, qui gagne l'élection, il faudrait qu'en fait, il y ait 60% de blancs qui votent pour ce candidat-là. Ce qui n'est pas possible, hein, vu comment sont les Français, vu la gauche, etc. Donc, l'avenir est à la gauche, en France en tout cas, à moins qu'il y ait comment dire, une discontinuité, hein, qui vienne briser cet état de pourrissement, parce que ça pourrit, hein, ça pourrit bien. Et donc, ça se tourne vers la Mecque, et on peut s'attendre à avoir des trucs assez rigolos, comme dans les pays d'Afrique, hein, de la belle corruption bien grasse, tu vois. Bon, ça commence déjà. Il y a des péages, des gens qui se mettent à taper des automobilistes parce qu'ils ne veulent pas payer du péage sauvage. Hein. Ça arrive en France et ça fait partie de, comme le dit le maire de Londres, ça fait partie de la vie dans des grandes villes, hein, ce genre de choses. C'est comme les couteaux et les jets d'acide. Voilà, c'est tout un corpus du progrès, hein, du progrès. De la gauche et des nouveaux de la charia, hein, enfin, en tout cas de la loi islamique bien comprise. Avec les attentats aussi. Habituez-vous à Les vivre avec attentats, le terrorisme. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais tout à l'heure, il y a une idée amusante lorsque, je crois, Gandalf a dit imaginez un deuxième tour entre la gauche islamiste, pardon, avec Mélenchon et en face, Marine Le Pen. Imaginez un petit peu que les nègres qui deviennent de plus en plus arrogants, comme Bamboula Soumaoro, là. Imaginez les nègres, les Bamboula Soumaoro, le Cran, tout ça, rallier Marine Le Pen pour s'opposer à la gauche islamiste. Moi, je trouverais ça assez marrant. Non, ben bon, ça donne des perspectives. La gauche, donc. Il y a une pression qui fait que le couvercle de la casserole commence à se soulever tout Ah oui, non, mais doucement. c'est Pas très clair. moi. Ah bah Oui. ouais. Non, mais l'avenir, c'est la République bananière islamique. Donc ça va être moi. Le Tout croissant de la banane. Alors, Les Français ne connaissent pas l'Afrique, ils connaissent pas bien. Enfin, ils connaissent les musulmans parce qu'ils ont eu des attentats, apparemment, ça leur plaît. Hein, C'est comme ça, les attentats, ils luttent contre l'islamophobie. Moi, j'attends que ça soit combiné avec la variable nègre. Tu vois, les coupeurs de route, j'aime quand je vois ça, des coupeurs de route Alors, dans des grandes villes de France. C'est je beau. redoute le moment où un Iran nationaliste, antisémite, désislamisé nous donnera des leçons de civilisation à nous, poubelles islamiques marxistes, totalement dégriffiées, tu vois. Je commence à avoir peur, si tu veux. Je commence à avoir Avec des équipes de football et des équipes peur. d'athlétisme complètement nègres qu'on exporte partout, Non, mais t'as vu les moins de c'est de 17, l'exhibitionnisme, hein, t'as vu les c'est moins de 17 l'exhibitionnisme au français. Brésil. Non, mais attendez. Ah Vous auriez raconté ça il y a 20 ans à n'importe quel Français, mais non, mais le plus progressiste, le type vous aurait ri au nez. C'est-à-dire L'équipe qu'il de n'y a même moins pas, 17, c'est-à-dire que l'équipe. il y a Non, même pas un type des dom-toms, hein, même pas un attends. nègre en matinée, Non, c'est non, du non, non. C'est-à-dire que nègre. maintenant, l'équipe de moins de 17 en déplacement au Brésil, l'équipe blanche, c'est l'équipe brésilienne. Ah, Faut oui, bah oui, clairement. quand même mesurer le drame. Et moi je regarde, évidemment, vous allez me dire, tu t'attends à Non, quoi? mais Bon, non, non, je non. regarde le compte Twitter officiel de l'équipe de France, etc. Putain, mais il n'y a pas un mec qui moufte! Rends-toi compte que même des équipes comme le Sénégal ou autres, enfin, moi je me souviens à l'époque, tu avais deux, trois métis. Bon, on en arrive à un point où la France, Ah c'est oui, des non. nègres, c'est 11 nègres. Hein. C'est-à-dire que Ah oui. tu as l'équipe de France qui est plus nègre que le Sénégal. Fantastique. Ouais, parce qu'en plus, ils ont pris Il y a là l'expérience. des mystères de l'éther nègre qui sont inexplicables. Ah bah, je te sollicite, La foi, la foi. Maréchal Juin, Oui, le maréchal Juin. Oui. Alors, Les mânes du maréchal Juin. je voudrais vous lancer un dernier petit coup de gueule pour vous, histoire de vous décourager complètement. les boomers non, vont tu peux pas me décourager, je crois en Adolf Hitler. allez, les boomers vont disparaître, très bien. Et ce sont des jeunes qui vont les remplacer, très dynamiques. Vous savez, ceux-là qui sont comme par exemple la porte-voix des étudiants qui prend ses vacances à Cancun. Hein, oui, Larousse. C'est eux qui vont succéder aux boomers. Non, mais ils ne succéderont pas. Ce sera les... Eux, c'est mort, ils ne seront rien. Ce sont les Arabes et les Nègres qui vont succéder. C'est ça. C'est... Donc ces gens-là. Bah, oui, et les nazis, et les nazis, et les nazis. Oui, ouais. après que. Non, mais ça va. Il faut que les gens comprennent. Je sais que on en termine peut-être là-dessus. Alors, je dis les nazis simplement par facilité de langage, tout le monde comprend. Mais en fait, je sais pas, les nationaux-socialistes, hein, Fulbert? Ah, c'est mieux. c'est mieux. Mais vraiment, ça va se terminer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez le choix entre les blancs, racistes et nationaux-socialistes. Ça va se terminer comme ça, même en France. Donner 50 ans à la France, surtout en France, ça va se terminer comme ça, je vous assure. Même les gens vont me prendre pour un fou en disant ça, mais je vous assure. Là, les gens sont là, De Gaulle, le nationalisme à papa. Oui. Maintenant, oui. Mais dans 50 ans, je peux vous dire que ça sera pas du tout le même contexte. Oui, j'aime autant vous dire que le l'UOT et tout, ça sera très loin hein, dans 50 ans. Oui, les colonies, machin, tout ça, le développement, oulala. Alors, Adolf Hitler, par contre, sera prêt. Ça sera très très près, beaucoup plus près. Oui, ça sera, beaucoup plus près. D'actualité, je pense. Et en face, vous aurez des djihadistes. Franchement, il n'y aura que ça. Ou au mieux, pour les Noirs, des nationalistes noirs. Voilà. Et les monnaies d'échange entre ces différents groupes se feront en échange de sodomites. Hein, c'est-à-dire que nous irons couver au pilori. Donc chacun... Il ira livrer ses déchets en monnaie d'échange, puisque notamment le califat est très friand d'anus. Hein, oui, on l'a vu, même depuis 1944. Hein. La gauche va montrer son utilité, enfin. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à basculer dans le national-socialisme, c'est la voie du salut. Tout à fait décomplexé, hein. Voilà, bon, hein. Adolf Hitler, voilà. Hitler, c'est le minimum. Oh, le minimum, oui, le... alors le minimum. Minimum. J'ai une critique d'ailleurs contre. Enfin, si je puis me permettre, tout en humilité. On en parlera une prochaine fois. Oui, on en parlera, mais enfin, tout de même, quand même, le Führer a. Quand même un tout petit peu péché par un excès de, bonté, ouais. De libéralité. Hein, il faut bien trop doux. Trop doux. Il était trop bon. Mais c'est ça, tu vois, t'as vu quand tu veux être gentil avec tout le monde. On te crache à la gueule. On te crache à la gueule et voilà. Donc la prochaine fois, la même chose, mais en plus dur. Je signe. Bon, ici aussi, on signe tous. Hein. Oui. À la semaine prochaine et bonne semaine à vous, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.